message. Speak Avenger, votre émission, si vous l'acceptez, est d'informer le monde entier sur la pop culture d'ici et d'ailleurs. Vous disposerez de casques, de micros et d'un rayonnement international avec la couverture d'une des stars. C'est pas un peu trop leur demander d'informer 8 milliards d'humains et de couvrir l'intégralité des films, des séries, des mangas, de la musique, des jeux vidéo, tout ça, tout ça? Bah, c'est les Peak Avengers ou c'est pas les Peak Avengers? C'est quand même mieux quand on a notre générique, quand on a tout. Ça commence bien. Mais c'est pas mal aussi. Il y a des émissions d'ailleurs où il y a une petite intro comme ça et après il y a le générique. Écoute, pourquoi on ferait pas comme les autres? Sans le faire exprès, évidemment. Ce soir, on change. Oui, on change. Donc ce soir, donc on parle manga. Donc, comme on a entendu, on a déjà Thierry qui est présent. Oui, bonsoir à tous. Prêt pour pas faire grand chose, je crois, le pauvre. Commenter. Ouais, je crois que c'est ce que je fais de mieux d'ailleurs. Bah, tu vas être commentateur ce soir. Donc on a Lisa aussi qui est là. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Notre stagiaire en troisième ligne. Oui, je suis un peu enrhumée, donc excusez-moi. T'as mis à l'écart. Oui. Ouais, c'est vu que t'es malade. En fait, je suis passé trop vite à côté de toi, ça fait un gros courant d'air. Une soirée de malade. Et donc, il y a Daniel aussi qui est là. Bah oui, forcément. Hein. Sinon, il n'y a pas de Peak Avenger. Hein. Bah non, puis de toute façon, il n'y aurait pas Thierry, il n'y aurait pas non plus. Mais il est venu sans chemise, peut-être pas sans pantalon. Non, mais la chemise, vous allez la voir après, j'ai pas eu le temps encore de me dévêtir. Hein. Ah, coucou, la voilà. Je vais me dévêtir, oui, promis. Alors, oublie pas qu'on est en live Twitch quand même, fais attention. Hein. Non, non, mais tout à l'heure, pendant la coupure. Ah! D'accord, j'avais pas compris. Il a pas dit tout nu, il a dit avec sa chemise. Ouais, mais faut faire attention. Ah oui, c'est vrai que la dernière fois, il y a eu une surprise. La chemise est venue avec le sweat. Oui. Ouais, dans le Jade aussi qui est là. Oui, je suis là. Ouais. Je suis... Pour les mangas, tu t'es incrusté. Oui. Ce thème-là, j'étais obligée de venir. Ah. Et elle a oublié que c'était aussi sur Twitch et donc elle est venue sans maquillage. Oui. Alors j'ai hésité à me maquiller un peu, j'ai hésité à me faire par exemple les traces de Eren, par exemple, dans l'attaque des Titans, ou alors la petite cicatrice. On peut le faire au couteau. J'avoue, des fois, t'as vu que ton maquillage était tellement réussi qu'on aurait cru que tu t'es fait un peu taillader. Un peu. Légèrement les lèvres, j'ai un souvenir. Légèrement, ouais. Mais tu n'es pas venue toute seule. Non, viens d'inviter avec moi. Parce que tu n'es plus toute seule. Oui. Ouais, vas-y, présente-le, Jade. Oh bah il a qu'à se faire lui-même. Ok. Allez, vas-y, présente-toi. Bonjour, comment ça va? Eh ben ça va. Bon, quel est ton prénom? Redouane. J'étais venu pour l'émission d'Halloween, je crois. Oui, oui, oui. C'est ton vrai prénom, ce n'est pas un prénom d'emprunt pour les mangas. Non. Et j'étais déguisé en Joker. Oui, je me souviens. Joker. C'était très bien Joker réussi. Joker. Oui, faut pas que t'hésites à Joker, ça rime avec stagiaire, moi je trouve. C'est magnifique. Ils sont de chaque côté de la même table d'ailleurs, donc c'est. Bah c'est l'encadrement, les jokers quelque part, mais les stagiaires encadrent. Et quand on n'a plus rien à dire, on appelle les jokers ou les stagiaires. Ah bah oui, c'est selon ça, oui. Ouais. T'inquiète pas Redouane, ça va bien se passer. Je le sens, ça va bien se passer. T'es avec une bande de fous, mais tout va bien. Tu n'es pas malade, quel que soit le sens du terme. Je sais pas vraiment. Pour être là, faut être malade quand même. Pas plus que les autres. On verra ce soir, on diagnostiquera. Non, t'es déguisé en Joker. D'une certaine façon, t'as le droit d'être plus malade que nous. Pas vraiment moins, en fait. J'ai envie de lancer un petit défi à Twitch. Allez. Comme on peut voir, on a pas mal de décorations. Oui. Et bah, essayez de nous trouver les références des mangas dedans. Bon, après, il y a des mangas, c'est facile. Oui, non, mais il y en a, c'est facile. Oui, alors pour moi, ce n'est pas facile. Non, mais, pour moi non plus. Par exemple, on peut le voir juste devant moi, il y a un Monopoly Dragon Ball Z, c'est écrit en plein milieu. Oui, voilà. C'est facile à trouver, oui, mais voilà. Il y en a. Faut savoir lire. Un peu plus dur. Alors, faut savoir contre, lire. Par contre, Bébert n'est pas une référence. Manga. Hein non, manga. Quand tu es observé, tu feras attention au-dessus de toi. Hein Bébert Ball Z. Oui, on observe. C'est Naruto. Salut Naruto. Ouais. Tu vois, moi je ne connais pas du tout. Lui mettre le porc sous le nez, sachant qu'il adore les ramen avec une tranche de porc, c'est pas mal. Il va le bouffer. C'est pour ça que je l'ai retiré vite alors. Bacon Ball Z. Bacon Ball Z, allez. Allez. Non, c'est très chouette ce que vous avez fait, la décoration du studio. Bon, merci. Très sympa. Il y a un peu de tout. Il faudra recommencer parce que c'est bien d'avoir une déco. C'est très sympa. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours ce qu'il faut. Oui, bien sûr. Bon, là, on a vu que, forcément, manga. Personnellement, je suis un grand fan, on a pas mal de choses. Jade en a apporté aussi. Tu fais partie de la déco. J'en ai quand même un peu plus emmené que toi, mais bon. De quoi? J'ai un peu plus emmené manga que toi. Ça y est, ça commence. Qui a la plus grosse? Qui a la plus grosse déco? Alors, manga, c'est tout. Alors, moi, j'ai une question à te poser, Jade. Oui. T'as dit que t'étais venue avec de la déco. Oui. Est-ce que Redouane fait partie de la déco? Un peu Je sais pas, il a un pull animé, donc ouais. un meuble de plus. On a toujours un point où mettre un nouveau meuble. Mais non, meuble. Je n'ai pas un meuble, meuble, t'inquiète pas. Défends-toi, Redouane. Défends-toi. Ouais. Ouais, faut pas que t'hésites. Hein. Hein bon. Voilà, voilà. Toujours aussi bien. Toi. Voilà. Mais il parle, c'est déjà ça. Ouais. Oui, c'est déjà pas mal. Tu vas avoir besoin avec nous. Faut papoter. Et si on s'écoutait une petite musique. Laquelle? S'arrache ce soir. Bon, ok, hein, pourquoi pas. Ouais. Bah, c'est ce soir sur Indestar. Ce soir ou jamais. Ouais, c'est ça, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Voilà, juste ah bah après, c'est parti, allez. Ouais, juste après, on va se retrouver pour la première partie du Blind Test, donc le chat Twitch. N'hésitez pas à jouer. Vous allez pouvoir jouer avec nous. Les Peak Avengers, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. En tout cas, c'est sur Indestar, ça c'est certain. Oui, donc sur Indestar, comme toujours, ça ne change pas. Donc, juste avant, donc, je vous ai dit qu'on allait avoir la première partie du Blind Test. Mais pour un peu expliquer... Ouais, oh, tu m'as fait sursauter, alors, Daniel. Alors. Oh, je m'attendais tellement pas. Ah, on est parti en Irlande, là, je pense. Voilà. Oui. Ouais. Oh. Donc là, par exemple, on peut entendre... En bed. Bien joué, Redouane. Le thème principal de Fairy Tail. Un point pour nous, un point pour nous. Alors non, parce que ça ne fait pas partie du blind test. Quand même, ça compte. Donc, le blind test, c'est que des openings. C'était pour voir si Redouane avait de la voix. Donc, pour expliquer le principe, il va y avoir deux passages de 10 minutes. Donc, un au début que nous allons faire là et un à la fin. Et donc, dedans, il y aura 5 musiques faciles à reconnaître et 5 musiques difficiles. Okay. Donc, ce que j'appelle difficile. Si c'est... on trouve une difficile... Alors, honnêtement, Thierry, il y en a une que tu vas trouver. Immédiatement, il faut que je réfléchisse. Non, je pense qu'au début, tu reconnaîtras peut-être pas forcément, mais tu l'auras donc. Bon. Daniel, on va pouvoir commencer avec la première. Donc, sachant que les équipes, c'est Daniel et Jade. Mm-hmm. Ouais. Lisa, Redouane et Thierry. Et le chat Twitch, évidemment, ouais. Vous allez jouer avec nous aussi. Donc, n'hésitez pas à nous mettre vos réponses dans le chat. Et on verra, je prendrai celle où il y aura le plus de réponses. Ah. Et ouais. Forcément. C'est un travail d'équipe. C'est ça. Donc, ouais. On peut aller pour la première, Daniel. Ouais, ok. Bah. Si ça veut bien marcher. Ah. Oh. Ça, c'est la pub. Ah ben, voilà. Attends, j'essaye. Ah. Alors, il y a un petit problème. Ouais, alors attends. Vas-y. Houston, we have a big problem. Décidément. D'habitude, ça marchait tout seul. Ah bah, évidemment que là, ça marche. Tu veux pas. Dire que tu pourrais t'absenter? On a assez de problèmes techniques ce soir. C'est ouais, c'est ce soir, oui, ça s'enchaîne là. Mais ça va aller. Autrement, attends, j'ai peut-être une autre solution. Ouais, ça va aller. Vas-y. Mieux. T'inquiète pas. Voilà. Ah, je l'ai. Je l'ai aussi. Ah oui, moi aussi, je l'ai. Faut dire maintenant ou pas? Comme vous voulez, on peut en laisser. Alors, est-ce que ça répond sur Twitch? C'est. Oui. Justement, faut qu'on laisse un peu répondre. Je laisse. Voilà. On laisse Twitch. Bah, si vous voulez, je le connais, moi. Bah, moi aussi. Moi, j'ai entendu votre réponse. Alors, moi, je ne l'ai pas du tout, je ne connais pas. T'inquiète pas, je pense que ton coéquipier. Tu vois le personnage là au-dessus de la télévision. Ah, tu connais, Thierry? Non, mais j'ai entendu leur réponse. Bah oui, à force, ils commencent à connaître un petit peu quand même. Ouais. Allez. Alors, Twitch, il n'y a pas de réponse pour le moment. Oh. Donc, je ne sais pas si le décalage que j'ai mis est bon ou pas, mais ça me surprend un peu si personne l'a quand même, vu que. Alors, trois syllabes, franchement. Bah ouais. Surtout vu le manga en plus. Bah ouais, quand même. Hein. Bah vas-y, Redouane. Alors, c'est Bluebird. Oui. De Naruto Shippuden. Bah ouais. Mmh. Daniel, bah pareil, il l'avait aussi. Hein. Bah, ouais, ouais, non, mais oui, je crois que c'est. J'adore celui-là, donc je pouvais que le connaître. C'est pour ça que j'ai mis celui-là entre autres, mais bon, c'est un des plus emblématiques, donc comme j'ai expliqué, donc j'ai mis des musiques faciles. Celle-là, par exemple, est vraiment facile à trouver. La prochaine, par contre, franchement, bon courage pour l'avoir. Ok. Oui. Chaude. Ah, attention, ça y va. Oh. Ah ouais, ça je connais pas. Voilà. Le concert qui rend fou. À se taper la tête contre les murs. Ouais. Alors là. Alors peut-être que le refrain va. Enfin, s'il y a un refrain. Ouais, non, parce que là, oui. Alors, on est... Honnêtement, c'est les premières notes qu'on a, si vous connaissiez quoi. Est-ce que tu nous en as déjà parlé? Non. Pas encore. Bon, alors allez vous faire foutre. Je remets les premières notes. Si tu veux, Daniel. Un remix de Cat Size. Non, c'est pas un remix. Ah, oui. Ça pourrait être un remix, c'est un remix. Non, c'est pas un remix. C'est Daft Punk. Ça pourrait. Mais ils ont un péto casse là. Qu'est-ce que je connais? Ça chante. C'est un manga difficile, ça. Ouais. Ah, alors c'est pas un Death Note, alors. Non. C'est un groupe, non, un groupe, ça parle d'un groupe de musique? Non. Attends, vas-y, Redouane. Il est pas très connu, ce groupe. Disons qu'il a pas... Il est pas forcément hyper connu, vous voyez. Il a pas eu beaucoup de succès, quoi. Ah bon, alors je connais pas, c'est dans pas ce forcément que j'appellerais pas trop de succès, c'est qu'il y a pas grand médiatisé, monde. Quoi. C'est ça. Oui. Est-ce que le chat a une réponse? C'est pas le game de live. Ah, t'as vraiment fait un truc avec du simple et du corset alors hein. Oui. Ouais. Parce que comme le café. Je vous expliquais en off et justement je vous avais dit la semaine dernière, les difficiles sont vraiment difficiles. Ah oui, bah ça oui, on voit les difficiles sont difficiles, oui. Ça il y a. Comme vous dans une boîte de chocolat, disait. Est-ce que vous avez une proposition à faire quand même? Pas du tout. Pas connu, ben là je sais pas. Hein. Un truc qu'on prononce en japonais, qui sait que le japonais? Je vois pas. Je non. Connais une amie qui parle un peu japonais. Kim Jong-un. Ouais. Sinon je vois pas du tout. Sky High Survival. Bien sûr. Bah tu m'en as jamais parlé, je peux pas connaître. Oui, donc pour un peu. Tu connaissais Redouane? Je connais pas, enfin je connais deux noms et je connais l'apparence des personnages. Mais. Alors. Très bon manga, honnêtement. Le manga. T'es nul, Redouane. Honnêtement, c'est un très bon manga, donc pour un peu expliquer ce que c'est. Je te retourne le compliment. Donc, c'est un frère et une sœur qui vont être téléportés dans un autre monde où va y avoir ce qu'on appelle des dieux qui peuvent être créés. Donc forcément, ils vont essayer, sauf que bon, il y a des méchants qui s'appellent des masques. Sauf que les masques, bah, faut qu'ils mettent des bâtons dans les roues, mais ils ont interdiction de tuer les humains. Donc faut qu'ils les poussent au suicide, en fait. Ah, c'est très philosophique. Et ouais, waouh. Alors. C'est très philosophique. On dirait de la en politique. Mais après, oui. C'est pas. Psychologique, philosophique. C'est pas. Psychologique, non. C'est plutôt. C'est le prochain qui va plus être dans cette catégorie-là. Ok. Ouais. J'espère qu'il sera mieux qu'on puisse faire une blague parce que là, moi, je peux pas en faire, là, moi. Hein. Là, franchement, ça m'embête. Hein. Ah, allez, j'y vais, je le lance. Oui. Oh, je l'ai. Ah je l'ai. Ah, je connais. Je l'ai. Des fois, mille. Moi aussi, je l'ai. En même temps, si vous regardez tout ensemble, les copains, non, ouais. Là. Non, même pas. Ah, enfin, j'ai quand même abandonné au bout de quelques épisodes. Quoi? J'ai abandonné à partir de M. Quand il y a eu M, j'ai. Ouais, au bout d'un moment, j'étais buggé dans l'histoire. Je comprenais plus rien. C'est pas Disney? Non? Si! Ah, j'ai trouvé! Yeah! J'ai trouvé! Daniel a trouvé! Oui, mais ne pète pas le siège. Oui, surtout que c'est le seul qui me convient, donc il va falloir que je fasse un peu attention. Hein. Alors oui, tu peux nous faire un petit résumé pour les ignorantes et les ignorantes comme nous, parce que tu n'étais peut-être pas arrivé quand il a parlé de Death Note. Oui, et puis Naruto, tout ça, je ne connais pas du tout. Donc. Alors là, tu vois, par exemple... Tu vas avoir du boulot, Kevin, avec Lisa. Ouais. Hein. Ouais. Le chat Twitch a trouvé aussi, Death Note. Oui, bah attends. Ah, oui. Du manga. Oui. Donc, pour expliquer un peu ce qu'est Death Note, on va suivre un combat. Alors... C'est pas un combat au sens propre où ça va être puissance contre puissance, ça va être de l'intellectuel le combat. Entre elle, qui est, je dis bien entre guillemets, le gentil, et Kira qui est voilà. Le méchant, entre guillemets, vu que c'est en fonction de la perception de chacun, tout ça. Et donc le but de elle va être d'arrêter Kira qui justement fait des meurtres pour que le monde soit parfait, donc débarrassé de criminels, tout ça. Et donc on va suivre pendant tout le long leur affrontement intellectuel où chacun va essayer de se démasquer. Elle va trouver que, justement, Kira est Light, sauf qu'il va jamais pouvoir le prouver. Ouais. Mais tu sais, ça me fait penser à quoi? Batman, un peu. Alors, c'est pas totalement la même. Non, alors, je sais plus si on n'a pas la même définition. Dans Batman, revisiter trois fois. Il tue ou pas, je sais plus. Non, Batman ne tue pas. Non. Voilà, là, c'est ça que... Bon. Tout à l'heure, quand je vous parlais en off, justement, à Redouane et Jade... Il y a des openings qui sont emblématiques. Bah oui, celui-là, là, par exemple. Voilà, celui-là, il est dur, très connu. C'est dur de faire un blind test sans inclure celui-là. Oui, alors, au voilà. Début, c'est je voulais quoi mettre... un opening. Un opening. C'est un peu une intro de série. Putain, encore une qui est nulle en anglais. C'est pas ça. En gros, c'est la musique de début. C'est ce que t'as au début de chaque toutes les séries. C'est ça. Moi, ce qui m'avait, m'avait plu quand t'avais parlé de Death Note, c'était le carnet. Bah, le carnet. Parce que mon carnet est devenu un Life Note. Donc, on va passer à la musique numéro 4. Ah, ouais, on passe à la 4. Oui. Alors, le temps de la mettre. Vas-y, vas-y. Attends. Oh, c'est doux. Oh, oh les violons. Ça va pas durer. Les sangles longs de l'automne. Blesse mon cœur d'une langue. Le 16e siècle. Ah, c'est français. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. Ah, De ces navires des hommes, avides de rêves, d'aventures. Les mystérieuses cités d'or. Oui, non c'est ça. C'est ça. J'allais dire les conquêtes de l'Ouest, mais oui, c'est bien, mystérieuses cités d'or. Oui. Tu l'avais, Thierry. Esteban Zia Tao. Tu l'avais, Thierry. Non. Esteban Zia Tao. Esteban Zia Tao. J'ai la musique, mais je me rappelais pas de. Je me rappelais pas de ça non plus, moi. Là, on l'a c'est quand il a parlé de Nouveau Monde, je me suis dit. Après, enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, ça je l'ai. Enfant du soleil, tu parcours la terre entière. Mais même les jeunes, ils connaissent. Bah, donc. Ça fait plaisir. Tu sais, j'ai une bonne anecdote par rapport à ça. C'est parler de mon chat. On va parler de mon chat. Je l'avais appelé Tao parce que tout simplement, il lui manquait un œil. C'était un peu un synonyme pour lui dire tape à l'œil. Il lui manquait un œil. Et je savais même pas qu'il y avait Tao en fait dans le générique des mystères. Des donc j'ai appris ça il y a pas longtemps, j'étais en mode oh. Ah, c'était pas en mode Tao, c'était oh tout court. Elle avait supprimé le ta. Par exemple, quand je parlais de manga difficile, ça souvent tout le monde considère ça comme un dessin animé alors que c'est un manga. C'est pour ça que ça m'a pas. Bah, ignorant, va. Je suis obligé de mettre aussi. Hey, je peux le traiter d'ignorant là sur ce si coup-là. Bon, il va se venger après, mais ça c'est pas grave. Si tu veux. Hein ouais. Il se vengera après, ça j'en suis sûr. Non mais là c'est le début de la provoque en fait. Hein. Oui. Bah, profite vu qu'à mon avis ça peut ne pas durer. Alors ça tu vois Jade, ça passait quand j'étais enfant à la télé. Ouais moi aussi. Nous aussi. Non mais moi je. Moi aussi. Ah c'est passé, ça passait ouais, vraiment ouais, les vieux trucs moi. C'est passé à plusieurs. À chaque fois, ils l'ont usé de façon. Ils en ont même fait un remix qui, est, apparemment, est pas super, mais qui passe, on va dire. Ok. Mmh. C'est le 6, c'est ça ? Non. Le 5. Le 5, ah. Tu vas trop vite. Non, mais je ne savais plus. Comme là, je ne suis pas sur le modèle habituel. Je suis on ne sait plus sur qui on peut compter aujourd'hui. Ah, ouais. Arrêtez de me regarder. Non, je te regarde pour être sûr, monsieur. Ah non. C'est pas fini ce bordel. Le mec, écoutez, c'est pas fini. Bon, pour faire le ménage, c'est bien. Je sais que j'ai déjà entendu. Forcément, avec... Non, pas celui-là. Moi, je sais que j'ai pas retenu. Non, celui-là, t'as pas du nom. Ça en a un qui ressemble, alors. Possible, ouais. Tokyo Ghoul. Alors, certainement pas. Non, certainement non, pas. Non, mais... Absolument toi, pas. Toi, joli derrière. Il y avait de la recherche sur moi. Oh, la tricheuse. On peut penser à un opening de Bleach, peut-être. Mettez-vous d'accord, Tokyo Ghoul ou Bleach? Non, c'est pas Tokyo Ghoul. Absolument pas. Ok. Hein? T'as une idée? Non, pas du tout. Chier. C'est, oui, il y a Bleach que je connais. Il y a quoi? Il y a Shield 21. Il y a My Hero Academia. Non. J'ai cru au début. Tu te fais rouster. Bon, bah, Assassination Classroom. Alors, vous voulez un indice? Ah non, parce que vous voulez des titres. Ouais. Il est dans la déco, ce manga. Ah bah, tu vois, j'ai bien fait de lire ce qu'il y avait. C'est pas un Naruto, bah, non? Bah oui, du coup. Bah non, Naruto, il y est déjà. Beastars. Je suis sûr que c'est Bleach. Non. Okay. Non, ben non, sinon je l'aurais trouvé. L'équipe de Red One, vous validez Bleach ou pas? Bah, oh, je pense que c'est Bleach. Moi, je valide, la culture de Red One parce que la mienne est. Daniel, Jade, vous avez une idée? Je sais pas, je regarde. Je sais pas, la petite boîte franchement, bleue. Part... J'ai l'impression que ça colle, la petite boîte bleue. Ah, c'est Bleach du coup. Oui, c'est Bleach aussi. J'ai pas vu, je voyais rien de loin. Moi, je dirais Bleach, hein, mais. D'accord. Voilà, parce que c'est un des seuls que je connais en fait. Ou alors le perso avec les cheveux rouges. Ah, c'est plutôt rose. Ça, c'est Dragon Ball Z. Ouais, c'est le machin rose, là, comment il s'appelle déjà? Dragon Ball Z. Oui, orange, je voulais dire. Les cheveux orange. C'est pas un opening. Les cheveux orange avec le katana. Dragon Ball Z, c'est pas possible. C'est Bleach aussi, de toute façon. Ah bah mince, pas. Les deux sont dedans. Oui. Ah bon, c'est soit la boîte bleue ou l'autre. C'est certainement pas SNK. Bon, c'est un opening de Bleach, SNK. Alors, non, Bleach. Bleach. Bah, à part Bleach, je moi je. C'est un des openings de Bleach. Et bah, c'est l'opening final de l'arc de Bleach qui sort actuellement. Yes. Oh là là. C'est pas mal ça comme sonne, formulation, l'opening final. Oui, ouais. Ça fait mal au crâne. C'est justement qui est en pleine hype actuellement, vu que les épisodes. Ça me blanchit le cerveau. Allez. Ça sonnait Bleach en fait, c'est pour ça que. Ah, j'ai cru. Ça, c'est un difficile. Oh. Ah bon? Oui. Alors, j'en connais trois qui vont avoir du mal à répondre. En plus, ils chantent en japonais. Bah oui, c'est logique. On va pas chanter en français. Bah, il n'y a pas beaucoup de Ziyat, les mystérieuses cités d'or. Hein. Est-ce que ça s'appelle sushi quelque chose? Est-ce que c'est dans le décor? Non. Ce n'est pas dans le décor, mais ça aurait pu y être. Ah. Ça a fondu dans le décor. Je crois que j'en ai un. Mais je suis pas sûr du tout, parce que je l'ai pas regardé, donc je peux pas savoir. Moi, je suis sûr que je n'en ai pas. Après, tu peux proposer. Hein. Bah, je vais proposer, hein, mais Food Wars. Perdu. Ah. Ah oui, c'est vrai que c'est un manga, ça aussi. Parce que, je sais pas, je me disais, la tonalité, ça paraissait nourriture. Je sais pas comment un son peut montrer nourriture. Non, mais oui, tu mets ça au resto. Oui. Sur Twitch, vous l'avez pas pour nous aider, s'il vous plaît. Sur quoi? Sur Twitch. Pardon, sur Twitch. Elle a dit Switch. Le truc, c'est que je pense qu'il y a un sacré décalage dessus. C'est ça le problème. Ah. Oula. Non, c'était une petite erreur. Ouais. C'est que je suis obligé de. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il raconte dans la musique? Non. Non. Non, là, bah, je pourrais pas. Est-ce que c'est pas un traduire shonen comme ça? Il est à la limite entre le shonen et le seinen. Donc, pour expliquer ce qu'est un seinen, c'est manga pour adultes. Ah, ok. C'est pas Cowboy Bebop. Non. Nicky Larson. Non. Non. Waouh, revisité 58 fois là. Oui. Une proposition? Non, là, vraiment, là, non, je sais pas. J'ai pas du tout. Non, ça serait indécent. Non, oh là. Personne ne l'a, je crois. Je vois. Le chat Twitch ne l'a pas non plus, apparemment. Ils sont nuls. Ouais. Ils en ont eu d'autres? Ils ont tous des sushis. Hein, bon, ça va. Non, ils n'ont pas eu de proposition. C'est Samurai Di Porchio. Bah voilà. Justement. Mais bien sûr, mais oui. Je connais pas du tout. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, justement, voilà. C'est évident. Je connais Samurai Champloo, mais ça. Bah, justement, donc l'animé est sorti dans les années 2000. Donc c'est un animé qui date un peu aussi. Ouais. L'animé n'est clairement pas bon à côté du manga papier. Le manga papier, si vous devez le voir, prenez les livres, c'est mille fois mieux. Et donc, on va suivre l'histoire de Kyo, qui va essayer de récupérer son corps, sauf qu'il a été emprisonné. Rigole, lui. Ouais, j'ai beaucoup aimé le manga papier. Si vous voulez le voir, là, bah, il faut prendre le livre. Oui, faut le lire. Oui. Et donc, il y a un thème esprit-corps, ne lisez pas l'animé. C'est un ancien samouraï qui est emprisonné. Et donc, à chaque fois que les héros vont être en difficulté, lui va surgir et il va battre les ennemis. À chaque fois. Donc il sort de sa prison? Alors, il est emprisonné dans un corps humain. Ah, emprisonné dans un corps humain. Mais on va dire, c'est un peu comme dans Yu-Gi-Oh! Où tu as Yogi qui peut permuter et avec sort par le pharaon. Devine. C'est exactement le même principe. Bah, il y a des entrées et des sorties. Hein. Ouais. Oui, aussi. Ouais. On peut passer à la suite. Ah, mais bien parti, sûr, la 7, tu es toujours bien? Musique 7, oui, tu es bien là. Ah, je l'ai. Ah. Cowboy Bebop. Non. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas Cowboy Bebop. Non, je parlais pas de ça. Alors c'est. Ah, Daniel a peut-être. Mais ça sonne vraiment comme un manga, mais du coup. Mais c'est. Ça ressemblait à un manga et c'était un manga. Oui. Ah. Ça sonne très SNK. Ah. Ouais, c'est ce que je dis. Vous dites quoi? SNK. Ça sonne SNK. Faites une proposition. Ça sonne trop SNK. Bah, moi je dis ça, hein. Surtout le début. Non, mais c'est pas le même opening. T'es sûr de ton imitation? Ouais, c'est ça. C'est SNK, mais c'est pas le même opening. Mais c'est SNK, oui. Ah, SNK. Je dis que c'est SNK, moi aussi. Bah, le chat l'a mis. Ouais, bah, oui. Le chat Twitch l'a mis. Ah, bon, en même temps, il nous écoute, alors c'est normal. Il copie. Ça se trouve, il connaît ou elle connaît? C'est bien un opening de SNK, ouais, yes. Donc l'attaque des titans pour la version française. Shingeki no Kyojin. Alors, j'ai un peu piégé, vu que souvent ce qu'on met, c'est le premier, le troisième ou le septième. Oui, voilà. Sauf que je me suis dit, non, allez, on va un peu compliquer, on va mettre le cinquième. Et moi, est un opening que j'aime bien et que je trouve pas mal sous-coté, mine de rien. J'entendais la première phrase. Quelle est l'histoire de ce... Alors, ah oui. L'histoire de l'attaque des titans. Donc, c'est des humains qui sont emprisonnés derrière des murs et qui se font bouffer par des titans. Voilà. En gros, on va simplifier comme ça. Alors, si tu veux, un peu pour savoir, c'est un peu dans le Moyen-Âge, c'est dans les années 300, un truc comme ça. Donc... D'accord. Mais c'est intéressant, c'est bien fait. C'est bien. D'accord. L'animation est très belle, notamment. Et l'histoire, le scénario, tient la route, c'est bien. On va dire, il y a quelques pirouettes scénaristes. Voilà, okay. On verra pas ça chez globalement. Tout le monde. Globalement, c'est pas si mal. Il y a beaucoup de prisonniers, un dans le corps, l'autre derrière les murs. Enfin, derrière les murs, c'est plus logique hein, quand même. On va rentrer chez ça, on va regarder un peu partout. On va regarder derrière les murs. On va faire des fouilles. Tu peux envoyer la huitième. Ouais, on envoie. Non, je cache le chat. Parce qu'il y a déjà la réponse. Méchant. Non, parce que je pense que le chat aura la réponse. C'est parce que c'est simple. Alors disons que je dis je pense, mais bon, peut-être qu'ils ne l'auront pas, mais bon, faut cacher quand même. En tout cas, le coup. Si t'as des spécialistes comme nous, non, ils vont pas trouver, hein. Enfin, comme nous, comme moi, Thierry, puis Lisa, hein. De toute façon, ils me cachent, donc je peux pas lire. Là, t'es en spécialiste comme nous, pas en spécialiste comme lui. À moins qu'on se branche sur le chat avec notre téléphone. C'est vrai, ça pourrait être bien vu. Ouais. Alors, toujours... Non. Attends, si même Ridouane et puis Jade coincent, comment veux-tu qu'on trouve une réponse? Franchement. Normalement, là, faut compter sur Ridouane. C'est un animé connu, mais que l'opening... Non, c'est pas un animé connu. Non, juste pour info, Twitch a la réponse. D'accord. Ah. Oui. Bon, comme tu caches mal, j'ai lu, mais je vais pas la dire, t'inquiète pas. Attends, ça vient de sortir, c'est pas. Mais bon. Il est fort. Qu'est-ce que tu fais, c'est ça. Bah ouais, hein. Non, mais je rigole. Je rigole parce qu'il y a Thierry qui s'est penché tout doucement. C'est en deux mots, enfin j'ai vu deux mots. Innocemment. Donc la réponse, de toute façon, là, je pense que vous n'avez pas de proposition. Non. Kengan Ashura. Qui justement, c'est un manga dans l'esprit de Baki, pour simplifier vraiment. Okay, donc, je me disais on va suivre des combats. Oui, moi aussi, je me disais, tiens, c'est ça, bien sûr. Justement, on va suivre Yuma, qui est le héros qui va faire que de se battre dans des bagarres de rue, tout ça, sauf qu'il va être recruté par une organisation pour participer à un tournoi. Plus légal alors que des combats de rue? Non, combat de rue toujours. C'est organisation, mais c'est organisation criminelle. Oui, d'accord. Il va gagner de l'argent du coup? Alors non, c'est autre chose qu'il gagne, mais je ne dirai pas pour vous pour laisser découvrir. Voilà, divulgâcher le... C'est ça. On peut passer au 9e. Ouais, 9e. J'étais bien dans le compte. 9e round. Allez, top. Ah. Ah, lui, il l'aime pas moi. Ah. Ouais, bah attends, faut que je retrouve le titre. Mais t'inquiète, si là, je ne dirai pas. Oh. Mais bon, tiens, que tu puisses participer aussi, bizarre. Oh. Non, mais je connais pas. Non. Oh. Non. C'est pas yo. Non, garde tes cordes vocales, s'il te plaît. Ouais, surtout qu'elles sont en mauvais état ce soir. Il a plus le nom, je crois, Daniel. Oui, il est en train de le chercher. Oh, bon sang. Tant qu'il oublie pas son nom. Alors, on peut me voir galérer en train de cacher l'écran, quand même. Oui. Ouais. Bah, mets ton téléphone devant, en fait. Alors oui, mais j'ai les réponses sur le téléphone, c'est peut-être pas mieux. Ah oui. Tu remarqueras que j'ai pas zioté sur ton écran pour regarder les... Tiens, attends, bien vu. Elle a vu, elle regarde. Non mais là c'est bon, c'est encore par rapport à Kengan qui a été mise la réponse. Justement, vu qu'on me disait c'est un très bon manga, mais les dessins sont assez partis. Il a pas donné la réponse. Attends, qui c'est qu'il y a... Daniel, là, je peux compter sur toi. Bon, déjà que j'ai du mal à compter sur moi, alors. Franchement. Bonne calculatrice, ça continue. Ouais, je crois, ouais, que ça. Est-ce que vous avez la réponse? Le monsieur de Twitch, il a dit c'est un très bon manga, c'est ça le titre, non? Alors, non. On a parlé de Bleach, mais ce n'est. Non, c'est pas Bleach. Non, c'est pas Bleach. Bleach est déjà passé, sachant que j'ai mis qu'un seul opening par manga. Cowboy Bebop. Non. Samurai Diporcio. J'hésite entre deux. Déjà passé. Déjà passé. J'hésite entre deux. Soit Fairy Tail. Oui. Soit My Hero Academia. Mais je pense que c'est Fairy Tail. Faut choisir entre les deux. Fairy Tail. Donc tu dis Fairy Tail. Fairy Tail, avant. Ce sera pas My Hero Academia. Eh ben, c'est bien Fairy Tail, oui. C'est, ah, bravo. C'est l'opening 3 de Fairy Tail. T'en as mis du temps à trouver. Ah oui, vas-y. Et c'est justement, c'est pendant la tournée. Tu es fouetté par une plume. Je te plume. Bah, c'est pour ça que je l'ai beaucoup entendu et qu'il me disait quelque chose. C'est l'opening que je préfère de Fairy Tail. Et ça veut dire quoi, Fairy Tail, déjà? Conte de fées. C'est justice, voilà. Ouais, c'est ça. Sauf que Tail, il écrit comme la queue en anglais. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et bah, là, par exemple, Twitch, ils nous font. Ah mince, alors Fairy Tail. Ah ouais, c'était ça. Mais t'as trouvé trop tard. Ouais. Bah mais qu'est-ce que j'ai pu l'entendre quand vous le passiez à la maison, ah, c'était... Cet opening, pour moi, il est génial. C'est pour ça que l'histoire, c'est quoi l'histoire? Alors, l'histoire de Fairy Tail. C'est pour ça que je l'avais, mais pas le nom. On va suivre un groupe de mages, donc Natsu, Grey, Erza, Lucie, ainsi que leur chat Happy, qui a des ailes, mais bon, c'est totalement normal dans leur monde. Et ils vont accomplir des missions, tout ça. Et entre-temps, Natsu va essayer de retrouver son père, qui est un dragon. D'accord, c'est mignon. Il va y avoir des gens qui vont rejoindre. Mais oui, mais aussi oui. Voilà ça, mais ouais. Je simplifie. Mais beaucoup, oui, peut-être que les auteurs se droguent hein, quand ils m'écrivent, mais bon. Et bah moi, oui, après. Il y a un personnage, moi, qui m'éclate, ou plutôt une, c'est Erza, hein, qui est toujours vêtue du haut d'une armure et qui est en jupe. C'est ça. Ah, c'est assez extraordinaire. Celui-là, moi, il m'éclate. Hein. On peut passer au dixième, Daniel. Ah ouais, qui est un manga difficile à trouver. Je sais pas si je vais finir avec un qui est difficile à trouver. Ah, c'est rock. C'est rock. Je suis en train d'imaginer le mec en train de faire la guitare là. Redouane a l'air d'avoir une idée de ce que c'est. Il a l'air choqué surtout. Il est en train de danser là. Il est en train de se mordre le pouce. Je fais une description parce que. Alors là, franchement, je connais pas là, non? Non, c'est normal. Ouais. Ah bon, c'est normal, oui. Bon. C'est pas le style de manga que je regarderai avec toi. Ah bon, d'accord. Alors, il y a une tête de Redouane. Là, waouh, calme-toi. Je l'ai. C'est High School of the Dead, je crois. Non? Bah, vois avec ton équipe. On pense que c'est ça. Moi, je dis bravo. Mais moi, je dis tout ce qu'il dira, ça sera bon parce que nous, on connaît rien. Ce que j'adore, c'est qu'il évite. Mais vois avec ton équipe, hein, si c'est bon. Alors, hein. Nous, on n'a aucune proposition. C'est ça, c'est High School of the Dead. D'accord. Donc, pour toi, High School of the Dead. J'en sais rien, c'est peut-être ça, je sais pas. D'accord. Alors, Twitch, je serais bien tenté de leur donner quand même. Ouais. Vu que c'est bien High School of the Dead. Let's go. Mais okay. C'était très drôle de devoir galérer. Et c'est comme ça, excité comme pas possible. Ouais, mais ce que t'as dit quand t'as dit c'est pas un manga que je regarderai avec toi, ça m'a mis la puce à l'oreille. Ah. Comment ça? Toi, on va parler tous les deux. C'est un ecchi. C'est ça. C'est un ecchi. Un ecchi, pour expliquer ce que c'est un manga qui est entre. Comment dire? Entre le shonen, le seinen et le hentai, on va dire. Ah, et le ecchi, c'est un manga qui n'a pas peur de faire mumuse avec ce qu'il faut, on va dire. Ouais, mais. Rien en vrai compris. De vrai, c'est, j'ai rien compris, moi aussi. C'est le seul animé de zombies potable. Oui. Malheureusement, alors que c'est un ichi, malheureusement. Mais sinon, malheureusement, ce manga n'aura jamais de fin aussi. Il est comme Berserk. Ouais. Il ne pourra pas avoir de fin vu que le mangaka est mort. Je découvre des choses sur toi de plus en plus. Je m'inquiète. Tu vois, faut pas venir en compagnie comme ça, Redouane. Là, t'as fait une erreur ce soir. De savoir que tu connaissais ça. Le genre que c'était. Admire, parce qu'il nous sauve quand même. Ouais, ça dépend qui y sauve. Pour le moment, le score, on a donc la team donc Redouane qui est première avec 7 points, Twitch qui en a 6, et Daniel et Jade, vous êtes bon dernier avec 5. Oh, mais c'est normal, on est que 2. Redouane est tout seul. Après, Twitch est tout seul aussi. Hein. Ouais. Ouais, mais ils peuvent être beaucoup sur Twitch. Ouais, voilà. Ouais, mais après Twitch, tu vois, ils ont Shazam, tu vois. C'est le même pseudo qui a répondu bon. Alors. Oui. Ah, waouh. Oui, c'est le même pseudo. Ouais, c'est peut-être des Twitchers. Ouais. Oui, peut-être qu'ils ont Shazam, effectivement, qu'ils ont mis là. Ouais, voilà. Et ils peuvent tricher. Moi aussi, je peux le faire. Ah, derrière un écran, on peut être n'importe qui. Mais ça se trouve, il connaît très bien les. Oui, c'est possible aussi. Ou il a 50 000 écrans et il est en train de regarder tous les. En tout cas, ce qu'on va faire, on va écouter une musique à côté. On va écouter quoi? Colin Secret. C'est pas en japonais. Non, c'est pas en japonais. On va revenir en français un peu. Oui, Daniel. Non, non, mais rien, non. J'attendais le moment de le mettre. Hein. Bah, tu pouvais le mettre. Et c'est sur Indestar, la musique, comme toujours. Et on revient juste après avec Lisa qui va nous parler du club d'eau. Hey les amis, la pop culture, c'est Peak Avenger sur Indestar. Ouais, et oh. Tu vas me surprendre à chaque fois en le faisant. Donc, ah, tant mieux. Redouane, est-ce que tu trouves la musique là? T'inquiète pas, ça compte pas de points. Ouais, bah oui, mais. Elle est un peu modifiée. C'est un OST? Oui. C'est un OST. Donc un OST, c'est une musique, c'est un thème de personnage souvent qu'on peut, pour vraiment simplifier. Mais c'est une musique qu'on va retrouver dans le manga. Mm. Après, c'est aussi possible avec les films. Hein. Oui, c'est ça, t'as aussi voilà. Dans les films. Je vois pas. Et ben, c'est une musique d'iShield 21. Ben, je vois pas. D'accord. Ah, pas. Ah, décidément. C'est normal, une musique, ça se voit non. Pas, ça s'entend. Non, mais c'est un manga sur le football américain. Ah, ah oui. Oui. Oui. Avec le petit qui courait extrêmement vite. Oui, je. Et donc oui, voilà. Un peu pour expliquer aussi un petit peu à côté. Donc. Je préfère ouais. Olive et Tom. Hein. Bah, c'est pas le même manga. Après, vu que moi, Olive et Tom, c'est le foot normal. Ouais, ou Jeanne et que... Serge. Voilà, c'est. J'ai pas la ref. Qu'il est con. Il est pas croyable, ce gars. Ouais, si vous étiez dans le football, moi dans le volleyball. C'est ça. Ouais, y a... Oui, il y a une histoire de ballon. Après, pour le manga en termes de volley, tout ça. Mais bon, bref, on va en revenir au club Dorothée. Oui, alors moi, les seules choses que je connais c'est comme animé, c'est ce que j'ai vu au Club Dorothée quand j'étais jeune. Donc, oui, qui est un peu quand même le précurseur de la mode manga, c'est pour ça qu'on en parle c'est en fait. Hein. Voilà. Oui, oui, ça a commencé par le Club Dorothée, c'est la première, je pense, chaîne enfin, où il y avait quotidiennement... Ah, on diffusait autant pardon, à la suite voilà. Des uns des autres. Quoi, complètement. C'était vendu, beaucoup ouais. des animes, oui, effectivement. Exact. Et donc ouais, je voulais parler alors de Princesse Sarah. Je ne sais pas si vous avez chose, connu ou regardé. J'ai entendu, j'ai vu, j'ai fréquenté. Princesse Sarah, je connais, ouais. Je connais, mais j'ai pas regardé. Mais je connais. Alors, je connais pas, j'ai pas regardé. ça va plus vite. Alors, je vais essayer de vous le dire en japonais. Vas-y. Shokujo Sarah. À tes souhaits. Ce que je sais pas. Voilà. Avec mon japonais, ça correspond, mais c'est le mien. Hein, c'est ça. Ça, c'est la réponse voilà, donc de ma si mère, j'ai écorché, comprends. Pardon. Donc, c'est littéralement Sarah la petite princesse ou Princesse Sarah. Et donc, c'était une série télévisée d'animation japonaise qui était en 46 épisodes de 24 minutes et qui a été créée en 1985 par Ryuzo Nakanishi d'après le roman La petite princesse de Frances Hodgson Burnett qui datait de 1888 et réalisé par Fumio Kurokawa. Évidemment, tu t'es pas simplifié le sujet là, avec tous les noms que t'as. Hein. Oui, c'est au début, c'est juste pour présenter voilà, la série ouais, qui a créé. Ouais. Maintenant, t'es tranquille là. Oui, voilà, c'était plus compliqué. Et donc, la série a été diffusée pour la première fois au Japon en 1985 et en France en 1987. Et elle a été rediffusée plusieurs fois depuis cette date. Alors, je vais vous raconter quand même un peu cette série parce que elle est quand même, elle a marqué un certain nombre d'enfants à l'époque parce que c'est une série qui est assez bouleversante surtout en fait. Qu'il y en a un qui connaît pas. Non mais c'est qu'il veut pas être bouleversé en fait. Hein. C'est pour ça qu'il connaît pas. Voilà. Ouais. Alors ça, on vous, va dire ça. Ça vous tire les larmes hein, parce que il s'agit d'une petite fille de 8 ans donc qui s'appelle Sarah, c'est l'héroïne de cet animé. Que l'on suit dans sa tragique et romanesque existence en pleine époque victorienne. Et vous n'en sortirez pas indemne. Alors, le résumé, c'est que, enfin son histoire plutôt, c'est que c'est la fille, au départ c'est la fille d'un homme extrêmement fortuné et généreux, et qui se nomme Ralph Clou, et qui l'inscrit dans un pensionnat londonien de jeunes filles, et qui la confie à sa directrice Gertrude Mongin. Oh, déjà avec le nom, ouais. Et il la confie à ce pensionnat parce que lui, c'est un homme d'affaires et il doit quitter sa fille, et donc un peu la délaisser dans ce pensionnat, pour se rendre aux Indes afin d'y acheter une mine de diamants. Sarah est issue d'une famille aisée, mais elle n'a pas beaucoup de perspectives sur le monde au début du récit, même si elle reste aux antipodes quand même de l'archétype de la petite peste de l'élite sociale. Donc, c'est pas parce qu'elle est très riche qu'elle se comporte comme une fille issue de cette classe sociale. J'aime pas les pestes. Voilà, c'est pas du tout une peste, au contraire. Voilà, donc on la rencontre dans cet anime, elle a 8 ans, c'est une élève modèle, pleine d'imagination et de rêves, et qui prend soin de ses amis et fait toujours de son mieux. Vraiment, c'est la petite fille, vous voyez, très empathique. Vraiment, elle est extraordinaire. Ah, voilà, c'est un modèle à suivre. Hein, elle est vraiment extraordinaire. Quand on est petite fille, on a envie de le. C'est pas comme certaines. Enfin, bon. De lui ressembler ou de l'avoir en tant qu'amie. Et à son arrivée, comme son père est extrêmement riche, elle est accueillie avec joie par ses camarades. Et la directrice est très contente. Et comme son père est riche, et ben. Elle fait un peu des simagrées pour être dans les bonnes grâces de son père. Quoi. Elle fait tout pour que Sarah se sente bien. Pourquoi le pognon rentre. Voilà, elle la traite avec égard. Et justement, le pognon, c'est toujours le nerf de la guerre. Voilà. Tout à fait. Mais alors seulement, voilà, malheureusement, quelques temps après son inscription, sa vie bascule. Parce que déjà que Sarah était orpheline de mère, mais elle apprend que son père a fait faillite et qu'il est mort. Alors si vous voulez, dans l'animé au début, on la voit, princesse Sarah, on voit un peu, on voit que son père lui a offert une magnifique poupée. Elle a des très belles toilettes, des très belles robes. Enfin, bref, la petite fille très plus riche. Plus des dettes. Et là maintenant, oui. Et maintenant qu'elle est dans ce pensionnat, elle est malheureusement aux mains de mademoiselle Mongin et qui ne tarde pas à n'avoir aucune pitié envers elle et qui la maltraite. Mets tes doigts comme ça. Et qui va jusqu'à la traiter comme une moins que rien et une esclave. Donc son existence bascule du tout au tout. La directrice l'abrutit aussi de tâches. Alors Sarah doit maintenant nettoyer toute la journée, laver les vêtements à la main. S'occuper de la vaisselle, s'occuper du charbon, préparer la nourriture. Attends, c'est Cendrillon. Exactement. Voilà, ouais, c'est bon. On a le résumé princesse Sarah. Nickel. Alors après, pour les tâches, c'est qu'elle est dans un tâches. Pensionnat et que voilà, elle doit. Non mais pour les travaux, oui, c'est Cendrillon. Ouais, voilà. Elle n'a pas le droit de manger. Et elle repart dormir non plus dans sa chambre qui était belle et tout ça au départ avec du beau mobilier, mais dans une petite mansarde glaciale. Ah donc oui. C'est tout à fait Cendrillon comme tu disais. Ouais, voilà. Là pour ce passage-là, oui. Voilà. Et elle doit travailler à l'école, donc à ce pensionnat, pour aussi ne pas être mise à la rue. Ah. Sinon, ce sera Cendrillon. Voilà. Parce que Sarah Hayon, ça ne veut rien dire. Il faut noter que la directrice, mademoiselle Mongin, se comporte aussi ainsi parce que elle sait que. Sarah n'a plus aucun, si vous voulez, elle n'a plus de personne de sa famille qui serait vivante autour d'elle, donc elle s'en donne à cœur joie. Malheureusement pour Sarah. Personne ne viendra te chercher, ma petite. Et en plus, tu n'as plus rien que moi. Voilà, et malheureusement, les pensionnaires s'y mettent aussi. Donc il y a par exemple, si vous voulez, elles lui font la misère, hein, sarcasme, humiliation. Il y a par exemple Lavinia, alors je ne sais pas si vous vous rappelez de ce personnage, un des personnages principaux. Hein. C'est une peste, un peu comme dans la petite maison dans la prairie, vous savez, elle a des boucles, elle est blonde, elle a un portant. Elle a un petit neuneu. Un euro dans les cheveux, voilà. Est-elle aussi un peu neuneu, ça on ne sait pas. Et elle est aussi la fille d'un homme riche qui a fait fortune dans les puits de pétrole en Amérique. Mais comme c'était la deuxième élève la plus riche, après Sarah, bah, au départ, elle était un peu envieuse de Sarah. Puis maintenant que son père est mort, bah, elle lui en met plein la tête. Quoi, hein. Bah oui, elle est la première maintenant, alors forcément. Voilà. Donc elle est froide, sournoise, antipathique. Vraiment, elle est désagréable. Puis quelle idée, il a eu le père d'aller acheter une mine de diamants en Inde aussi, mourir, franchement. Oui, il pouvait acheter la mine. Oui. Au lieu d'aller directement chez Cartier. Ben. mais, alors ce qui est bien dans cet anime, même s'il est. Comme vous le voyez, on se demande pourquoi on n'est pas une génération de dépressifs des fois. Mais bon, parce qu'il y avait Rémi sans famille et d'autres animes. Mais alors quand même, dans son malheur, Sarah peut compter sur sa seule amie qui s'appelle Becky, qui est une fille de paysan et qui est orpheline de père, qui est notre servante qui travaille aussi dans ce pensionnat pour aider sa famille à survivre. Son père aussi était parti chercher des diamants en Inde ? Non, c'est pas. Alors non, je pense que c'était une famille de paysans. Ah, d'accord. Donc, il retournait plutôt puis, son jardin. Hein. Voilà, et puis regarder l'histoire. Oui, pour trouver les diamants, oui. Parti puis regarder l'histoire. Zut alors, hein. C'est ça. Pardon. Alors, à la différence de Sarah qui sombre un peu dans le désespoir, quand même, on comprend quand même. Et bien, Becky est toujours là, elle est toujours positive et elle inspire Sarah à faire de même. Elle lui dit oui, mais malgré la dureté de la vie et les humiliations qu'on subit, regarde, la vie en vaut le coup, regarde, on peut se serrer les coudes, regarde d'autres choses à voir. Et ça, ça nous remonte le moral quand même, parce que sinon, ça serait à se foutre une balle. Et Sarah, elle a aussi une... Dans mes souvenirs, ça, je l'ai pas... J'ai pas eu le temps de rechercher, de faire des vérifications sur Internet. Mais dans mes souvenirs, quand elle va dans sa mansarde, elle donne des petits bouts de fromage à une famille de souris, en fait, à une souris avec ses petits, à qui des fois elle donne un peu de nourriture, et tu lui tiens une compagnie du coup. Et il y a aussi, il faut nommer Peter, qui était son cocher personnel dans sa vie d'avant fortunée, et qui est un jeune garçon sympathique et jovial, et qui lui travaillait en tant que cocher du temps où la famille de Sarah était très riche, pour que ses parents puissent subvenir à leurs besoins. Mais après la ruine de la famille de Sarah, il est renvoyé, il se met à travailler dans les rues de Londres, mais il sera toujours d'une très grande aide pour Sarah. Voilà, il ne va jamais l'abandonner. Il reste fidèle. D'accord. Ouais. C'est beau ça. Et il ne faut pas oublier aussi Emily, qui est donc la poupée de Sarah. Jolie. Qui, dans mes souvenirs, donc, est un cadeau qui est offert par son père avant d'aller dans ce pensionnat et qui reste une confidente fidèle pour Sarah. Émilie, si tu nous écoutes, tu nous appelles au 09 70 307 306. Et quand même, à la fin de cette série, on apprend que les dettes du père ont été remboursées grâce aux bénéfices de l'exploitation de la mine par le meilleur ami du papa, qui était co-acheteur et qui mettra fin au calvaire de Sarah. Enfin. Oh, je suis soulagé là de savoir ça. J'ai quand même appris que c'était largement inspiré, non pas de Cendrillon, même si effectivement il y a des traits des souris, des traits similaires, des quand même, mais des romans de Charlotte Brontë, qui présentait une tranche de vie de l'époque victorienne à travers le destin à la fois tragique et humain de la jeune Sarah Coe. Et c'est une enfance passée dans les conditions misérables suite à la mort de ses parents et qui ne se terminera que dans les derniers moments du récit. Voilà ce que j'ai pu trouver en gros. Depuis le 14 octobre 2020, la série est disponible intégralement et en version remasterisée sur YouTube et sur la chaîne Team Kids. D'accord. Et depuis le 15 décembre 2021, vous pouvez aussi cela retrouver sur la plateforme Netflix. Oh, c'est okay. Bien ça. Donc, si vous le voulez l'avoir, vous n'avez pas de raison de la rater. Si vous voulez voir ces enfants maltraités, qui donnent à manger aux souris le peu qu'ils ont à manger. Mais c'est vrai que les enfants n'étaient pas forcément très bien traités à l'époque. Oui, voilà, à l'époque victorienne, c'était vraiment, il y avait beaucoup d'orphelines. Tu parles des sœurs Bronte, mais vous pouvez lire du Dickens aussi. Hein, oui, tout à fait. Voulez, Bah, de toute façon, oui, tu prends tous les livres de l'époque, même ça. Peter Pan qui est un peu plus loin, tu vois que c'est un truc de fou. Pan, bon, Peter il tombe. Ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai un peu le temps pour faire Jeanne et Serge? Vas-y. Oh, t'as 30 secondes, vas-y, fonce. Alors, au départ, je voulais faire Sailor Moon, mais avec mes souvenirs et ce que j'ai trouvé sur Internet, c'était beaucoup trop compliqué. Mais je me suis dit, tiens, Jeanne et Serge, c'était pas mal aussi à l'époque. Alors, vous vous souvenez un peu du refrain ou pas? Coup de foudre au match de volleyball. Ouais, Thierry l'a retenu. Coup de foudre au match de volleyball. Jeanne et Serge, amour des le premier regard. C'est amour et bonheur. Alors, c'est un animé qui a été diffusé pour la première fois au Japon entre 1984 et 1985 et qui a fait les belles heures des programmes jeunesse dans notre pays de 1988 à 1996. Donc, quand même, pas mal d'années quand même. Ouais. Bah, c'est une carrière d'international, un peu moins de 10 ans. C'est bon, ils sont dans les normes, ça va. Et donc, c'est l'adaptation sur petit écran d'un manga qui raconte l'histoire de Jeanne Yazuki, une jeune femme qui, à peine arrivée à Tokyo, se découvre deux passions. Le volleyball et Serge Takiki, qui est membre, lui, de l'équipe masculine de volleyball. Ah, oh, c'est marrant, ça, Takiki. Oui. J'ai pas l'habitude de plaisanter avec les noms, mais là, ça m'amuse. Merci, Satsuki. Sergio Takini. Il y a Krazuki dans... Et donc, c'est un programme qui est quand même riche de 58 épisodes. C'est quand même un nombre conséquent, quand même. Et ça nous fait vivre donc les péripéties sportives de Jeanne, qui découvre le volleyball et qui débute donc au lycée, de manière amateur et amatrice, et qui après va réussir peu à peu à grimper jusqu'aux Jeux Olympiques de Séoul. Et cet anime nous fait aussi partager ses sentiments envers comment il s'appelle, Serge Takiki. c'est aussi sur cette histoire d'amour. D'accord. Alors, il a quelques particularités parce que pour sa première diffusion en Italie, c'est là que j'ai appris des choses intéressantes, j'ai trouvé. La série était fortement censurée, des scènes jugées trop choquantes pour un jeune public, montrant par exemple Jeanne qui menace son petit frère de le lâcher dans le vide depuis le haut de l'immeuble s'il n'allait pas à la piscine, ou qui gifle son père qui l'avait abandonné. C'est effectivement un violent. Mais va vivre dans les cités, ma pauvre. Oui, puis de toute façon, si la piscine était en dessous. Hein. Et donc, en version française, ils se sont appuyés sur les censures de la version italienne. Donc, nous avons eu les mêmes censures. Mais dis-moi, Jeanne, elle faisait le ménage, elle nettoyait la cendre. Non, elle faisait pas ça. Non, c'est pas, ça n'a rien à voir, là. Ah, donc, d'accord, ok. Non, c'était pour savoir si. Elle lançait des balles. Et donc, lors de sa rediffusion dans les années 90 dans le Club Dorothée, d'autres scènes étaient présentes, qui étaient pourtant présentes en 1987, ont été supprimées, telles les sévères corrections que subit Jeanne ou d'autres filles de la part de son entraîneur Diamond avant d'arriver au plus niveau. Donc tout ce qui est violence physique, ça a été enlevé. Quoi. Ouais. Donc parents, vous pouvez laisser regarder l'animé, il n'y a pas c'est de bon. Problème. C'est tout pur. Est censuré. Voilà. Oui. Sinon, moi-même, je ne l'ai pas encore regardé à cause de ça. Même aujourd'hui, ils censurent encore. Oui, ils censurent énormément. Ouais. Et il y a des trucs qui censurent, ça n'a aucun intérêt. Mm-hmm. Bon. Oui, je suis d'accord là-dessus. Et donc la série est en coffret, l'intégralité de la série est en coffret de 9 DVD et paru en 2010. Et dans les bonus, vous avez les scènes qui ont été censurées. Oui, c'est exactement ça, parce que donc, c'est la première fois qu'il y a la version intégrale non censurée de la série, en version originale sous-titrée ainsi qu'en version française. Et les passages initialement censurés sont laissés en langue japonaise lorsqu'ils sont regardés en version française. Ces passages, et ils n'ont pas été doublés à l'origine. On n'a pas traduit les oui et aïe. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, comme. Oui. Et ce qui est intéressant, justement, là, cette particularité de cette anime, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est l'une des rares séries dont l'adaptation française a conservé les noms originaux pour les personnages. Donc l'ensemble des noms de famille est repris, ils n'ont pas changé en version française. Oh. Et comme Jeanne et Serge, c'est réellement Jeanne oui, et Serge. Oui, c'est ça, c'est réellement leur prénom. C'est pas Miko Yuzaki, non, pas du tout. Ouais. Non. Marie, on peut trouver aussi des prénoms comme Marie, Peggy. Ça c'est un prénom francisé, mais ils ont gardé les noms japonais par contre. Donc, je me rappelle plus dans la série dans l'anime leurs noms, mais bon voilà. Là, ils ont sur Marie et Peggy, ils ont gardé les prénoms francisés, mais ils ont gardé aussi les noms japonais. D'accord. Et d'une manière générale, la version française reste très fidèle à l'original, alors même qu'elle fut diffusée à une période où les studios d'adaptation jugèrent utile de taire toutes les allusions asiatiques dans les séries japonaises. À titre de comparaison, l'anime Embrasse-moi Lucille connaît une francisation allant jusqu'à remplacer Tokyo par Paris quand même. Ah alors, oui, d'accord. On aurait pu garder Tokyo. Hein. Ouais. Et Jeanne et Serge conservent l'environnement de l'intrigue. Donc c'est vrai que c'est intéressant à noter que quand même c'est le premier anime où on francise moins. Hein. On laisse la géographie. D'accord. Donc on entend que Jeanne va se rendre à Sapporo ou encore viser les Jeux Olympiques de Séoul et pas les Jeux Olympiques de Paris par exemple. Ah, waouh. Voilà. Bon, écoute. Faut qu'on se remette dedans, ça. Par rapport à la censure, il y a eu une censure sur un personnage de One Piece, qui s'appelle Sanji. Il a une cigarette, normalement, toujours, et ils l'ont remplacé par une sucette. Oui. C'est. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est plus difficile à fumer. Ouais. Oui, non, mais oui, des censures, des fois, tu te demandes. Oui, c'est vrai qu'on se demande, on aimerait bien savoir comment leur comité de censure se réunit, qu'est-ce qu'ils décident. Quand tu vois, je vais prendre un truc où vraiment j'avais pas compris, et encore plus idiot que la cigarette et la sucette, c'est le baiser qu'il y a eu dans Pokémon entre Sacha et Serena. Mmh. Quel est l'intérêt de censurer ça? Ah, ils ont censuré ça. Oui, ils ont censuré ça. Qu'est-ce qui reste? En gros, tu vois juste les pieds. Ouais, c'est ça. C'est les pieds montés, après, part. Je veux pas dire, mais bon, tu vois les Pokémon qui se foutent sur la gueule à longueur de journée. Ouais. Limite, ça pose aucun problème, mais juste un bisou, ça pose problème. Oui, ils ont des critères, on peut s'interroger. Aussi, la couleur du sang a été remplacée. Normalement, le sang, c'est rouge. Dans One Piece, il est blanc. Oui. Après ça, le sang c'est quand même assez habituel. Il a pris un coup de bleach. Oui. Alors bleach, non, le sang est bien rouge. Par contre, c'est habituel. Moi, je pense que dans les animes du Club Dorothée, c'était pas du sang rouge, Dragon Ball Z, tout ça. Après, je parle surtout au jour d'aujourd'hui, vu que bon que ce soit bleach, Fairy Tail avec le arc final. Donc l'arc, c'est des enchaînements d'épisodes. Vu qu'au début du manga, Fairy Tail, ce n'était pas du tout le cas. Il y avait aucun sang, il y avait que dalle. Oui. Donc bleach, c'est le cas. Attaque des Titans, c'est le cas. Demon Slayer. Oui. En fonction des personnages, c'est le cas aussi. Oui, c'est vrai. Donc le sang est globalement blanc. Globalement rouge. Oui, globalement. C'est vraiment c'est avec rouge. La censure. Blanc, c'est voilà, c'est ça. C'est vraiment, il y a des chaînes qui censurent beaucoup trop. Oui. C'est L'attaque des Titans, la saison finale, a été beaucoup trop censurée pour moi. Ah ouais, beaucoup trop. Et bah, ça m'a même fait arrêter le manga. Ne regardez pas, écoutez une des stars. Lisez les mangas sinon. En écoutant une des stars. Le mot juste. Mais oui, vu qu'une des stars. Et pour c'est les lire, acheter le papier. Donc, voilà. C'est bien, vu qu'une des stars, c'est une radio musicale. Donc. Complètement. On n'est pas encore sur papier. Ouais. Non. Mais vu les numéros qu'on a, on va bientôt y être. Alors, comment bientôt ça se passe bientôt comics chez vos marchands de journaux. Ouais. À geler, je crois. Gabriel Scaldarefi. Ferry. Tu sais que je vois un R, moi, d'ici. Ah, Bring me the horizon. Oui, ça, par contre, ça, je voyais bien, ça. Donc, Bring me the horizon, sur Indestar, et on revient juste après. C'était bien, le début était bien. L'agence touriste de la pop culture, c'est les Peak Avengers sur Indestar. J'adore quand Peak Avengers est ensemble. Ouais, bah, c'est pas encore pour aujourd'hui. C'est pas encore pour ce soir. On prend tous les risques, c'est ce qu'ils ont dit. L'autre fois, c'était les robots qui prenaient le pouvoir, maintenant, c'est les mangas. Ouais, c'est selon, t'as vu. Hein? Alors, Daniel. Oui. Ah, c'est à moi déjà. Bah oui, c'est à toi. Ouais, alors, je me suis dit, manga, on va parler des mangas, on a des spécialistes. T'as perdu l'école. Et comme j'ai pas voulu. Tu vas faire un jeu. Ouais, et comme j'ai pas voulu paraître idiot à côté des spécialistes, je me suis dit, on va parler des codes manga. C'est héritage, là. C'est quoi hein, peut-être. Alors, je vous ai préparé. Il y a 10 expressions de visage. Ah, je vais vous demander un numéro de 1 à 10. Hein, et puis vous allez me décrire ce que vous voyez, voir si. Thierry ne commence pas. Voir, donc me décrire le visage tel que vous le voyez. Il y a deux numéros où il y a deux images qui sont proches l'une de l'autre. Ah. Donc vous aurez le choix. Et puis pour dire que finalement, surtout pour les gens qui ne connaissent pas. N'est-ce pas Thierry puis Lisa? Parce que je t'avoue, j'ai pas compris ce qu'il fallait. On meurt content quand il nous apparaît content? Non, mais non, t'as toujours. Oui, vas-y, oui. Kevin. T'as juste à expliquer ce que toi tu vois en gros. Ah, voilà, pour que les autres comprennent ce que c'est. Parce que si par exemple, en effet, le visage d'un personnage est content, tu auras toujours le même type d'expression. C'est pour permettre de lire tout de suite l'image. D'accord, oui, voilà. C'est sur l'expression facile. Voilà. Ok, j'ai compris. Voilà. Alors, comme on a un invité pour la première fois, on va lui faire un baptême du feu. Donc, Ridwan, 1 à 10. 7. Oh non, c'est mon porte-bonheur. Moi aussi, c'est à l'école maternelle, il s'est déjà compté. c'est quand même miraculeux. Hein. Donc, voilà. Je te donne. Le 7. Je te donne. Ah, voilà. Et c'est toi qui as dessiné, Daniel? Non, là j'ai quand même. Oui, ça sent l'imprimé là. Ouais, ça. Il a décalqué. Ouais. Il y a un peu de pixels là. Non, donc, j'ai copié-collé en fait. Hein? On fait quoi? Tu donnes à la chaîne ou Redouane il nous explique? Non, Redouane il explique. D'accord. S'il a compris. Bah, je vois un personnage. Déjà, est-ce que ça te ressemble? Bah, non. Non. Bah, pourquoi? Bah, non. Nous, on le voit pas. Oui, c'est vrai. C'est un personnage féminin. D'accord. Mais c'est tous des personnages féminins et, en fait. Et alors? D'accord. Alors, elle est comment? Elle est triste. Elle a les larmes aux yeux. Elle a les yeux revolver? Non. Elle a le regard qui tue. Ouais. Elle a tiré la première. Elle m'a touché, c'est foutu. Ouais. Oui, du coup, elle. Marc Lavoine. Non, elle a les larmes aux yeux, t'as dit. D'accord. Oui, elle a les larmes aux yeux, elle est inquiète. Alors, d'après toi, ça évoque quel personnage? Quel type de sentiment, de sensation? Bah, c'est la tristesse, clairement. C'est la tristesse. Alors, je vais vous le mettre. Normalement, oh, voilà. C'est bien, t'as fait ça bien. Ah oui. Voilà. Alors non, on peut se faire. Ah, ça va être trop si, long. Si, non, ça marche. C'est celui-là. Si. Voilà, vous êtes d'accord pour la tristesse? Est-ce que tu peux l'agrandir à toi, Zara? Oh bah attends, je fais ça bien et en plus, faut l'agrandir. Attends. Ouais, t'as vu ça un peu? Là. Ah oui, là, elle est très triste, oui. Très triste. Bah oui, c'est la tristesse en fait, hein. Y a aucun doute. L'intérieur des sourcils levés, abaissés à l'extérieur, donc petite bouche avec pas abaissée aussi. Bah, on voit que, en fait, on voit sur l'image, même si on comprend qu'elle tremble un peu de la lèvre. Hein, ouais, c'est ça. Elle est pas loin de craquer, en tout cas. C'est ça. Voilà, elle est vraiment, vraiment, vraiment très triste. Hein. Oui, très triste. On va montrer à la caméra, du coup. Ouais. Voilà. Alors, on voit rien d'ici. On va mal. Bah voilà. Ouais, on aperçoit quelques trucs. On n'a pas eu le temps en fait, j'espérais pour qu'on puisse faire des intégrations, mais comme vous savez, on est bénévole et on n'a pas eu le temps de tout préparer. Voilà. Hein. Oui. Là. On n'avait pas le temps de faire ça. Voilà. Mais c'est des très beaux dessins. Ouais, non, mais t'as vu, je dessine bien en copier-coller. Ouais. Le copier-coller marche bien. Ouais. Vous pouvez garder les petits dessins en souvenir si vous voulez. Hein. Ouais. Moi je m'en fous, j'ai les originaux. Alors. Forcément, vu comme ça. Allez, Jade, à toi. 9. C'est ton chiffre préféré, non, non. C'est, seul, ah, c'est le seul calcul. Oh, oh. Alors, je peux dire un mot qui peut totalement résumer un personnage et la, le sentiment. Oui. Si je dis le personnage, tout le monde va deviner le sentiment. Ok. Si je dis Bakugo, ouais. Ah, voilà. Bah ça, ça, il y en a deux, oui, ça les aide beaucoup. Pour nous voilà. Perdre, c'est alors, pas mal. Oui, ouais, il y alors, en a deux. La madame, elle a des dents pointues. Ah. Elle a les sourcils très, très, très foncés. Elle est en colère? Ouais, très en colère. Ouais. Il y a même le petit signe là, au-dessus de la tête, qui dit que t'es pas content. Hein, ah, pas content. Pas content. Les yeux aussi très petits de colère. Ouais, les espèces de veines. Ont... Voilà. Ah, ah oui, elle est, folle, elle est en rage. Oui, elle est enragée là. Là, c'est même enragée, ouais. Ah ouais, c'est vraiment colérique. Hein, c'est... Ouais, ouais. Ah, avec colérique, normal, colérique, ah colérique, là, c'est ouais. Ce que je dis, c'est Bakugo. Bon, on va être d'accord avec toi quand même. Hein. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est bien vu. Ouais, complètement. Thierry, sachant que le 7 et le 9 sont pris entre les deux, le 8. Alors, Thierry va inaugurer parce que le 8, il y en a deux. Donc... Ah, ah. Allez. Alors tu peux en décrire plus des deux, hein. Tu choisis. Que vois-je? Moi je les vois. Ouh, alors celle-là, les papiers sont avec, trop fins. Avec les... On voit de derrière. Les sourcils froncés, je sais pas ce qu'elle va faire, mais si c'est d'une revancharde, ça sent mauvais. Le 8B. C'est la haine? Peut-être. Bah, on n'est pas très loin de la colère en fait. Hein. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais. On sent que ça lui plaît pas ce qui se passe en tout cas. Ouais, ouais. Non, mais oui, c'est. C'est lire, alors lire. Ouais. IRE, la grosse colère. Voilà, alors je vous le mets aussi. Hein. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, on voit, c'est ouais. L'énervement, ce l'irritation. Furieux, oui, c'est ça, furieux. Tu vas me le payer, saloperie. C'est exactement ça, ouais. On va dire, c'est le stade avant la colère. D'accord. Hein? Est-ce qu'on tient? La constipation. T'es sur les chiottes. Et quand la colère éclate, elle va sortir un Kamehameha. Au lieu de sortir autre chose, hein, mais bon, on sort ce qu'on a. Hein. Hmm? Lisa, un 6 ou 10? Bah, le 1, écoute. Oh. Oh. Ah oui, bah oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh. Merci. Il y a une chaîne humaine demain, ouais, pour m'amener. Ouais. Tout ça pour toi quand même, c'est adorable. Hein. Oh là là, la décrire, je sais pas. Étonnée. Tu décrirais comment l'étonnement, les yeux, la bouche, les sourcils. Stupéfaite. Mais faut c'est. Décrire. Faut décrire. Ah pardon. Alors une toute petite bouche, des grands yeux avec les pupilles petites. Les yeux grands ouverts, mais les pupilles petites. C'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, de toute façon, bon, l'expression est vraiment bien faite. Parce qu'en fait, c'est bien l'étonnement. Hein. Oui. Ah oui, ouais, c'est d'accord. Ouais, complètement. Donc là-dessus, elle est vraiment bien faite. Oui. Les yeux grands ouverts. C'est voilà, ça. Les sourcils arqués. Ses yeux sont en cœur. Voilà, ouais. C'est ça. Ouais, j'avoue. Et un œil en cœur. La caractéristique au niveau de la bouche, c'est la bouche dessinée comme un petit O, là, le. Ouais, oui, tout à fait. Superfaction. C'est plus de côté, normalement. Ouais. D'ailleurs, nous, quand on est étonné, fait O. Oh, donc, on a la bouche oui. Qui prend en plus, le hasard vrai. Fait que. C'est vrai. Et ça... le Père Noël, il fait O. Oh, oh. Il est stupéfait trois fois. Kevin 2 à 6 ou alors 10? Bah, 10. Allez. Et en anglais, ça donne quoi? 10. J'ai vu le visage. Bah, ouais, donc. Ah, on a pensé alors, à la même chose. C'est bien, ça correspond bien à Jade, là, j'ai l'impression. Comment ça? Bah. Au moment dit, on va dire que bon, la bouche du personnage est grande ouverte. On dirait que ça baille un peu quand même. Ouais. Attends. Bah, voilà. En fait, refais-le, refais-le. Tu peux le refaire. Attends. Et c'est exactement mais, ça. Mais ouais, c'est ça. Ouais, sauf que les yeux là sont fermés en baillant. Donc, et... Ouais, elle a fermé les yeux quand elle a les yeux sont fermés là. Les yeux, moi. Ah, ils sont fermés aussi, oui. Oui, ils sont fermés aussi les yeux. Ah, le dessin est un peu moins bien fait alors. Hein. De quoi bah, ouais. Les yeux sont fermés bah, sur le aussi. Dessin qu'il a. Ouais, non, mais par rapport. Par rapport au sentiment. T'as voilà. Pas baillé. Oh. Ah, oui, on pourrait penser qu'à bas il y en a en fait. Non. Ouais. Je suis pas d'accord. C'est quoi là? Moi, je vois des larmes. Oui, c'est exact, il y a des larmes. Voilà. Ouais. Donc elle est en train. Ah ouais voilà. Tu voilà. Peux bailler faut les deviner, et avoir là. La larme à l'œil. Ah, c'est vrai que oui, pour toi, c'était mal vu de tomber sur celle-là. C'est vrai, avec Des fois, après, avec certains problèmes de vue que tu as. Ils ont c'est pas prononcé c'est une les crise larmes. De sanglots ouais. Ou c'est alors, quoi je sais pas si on va voir, mais. Ah ouais, non, mais oui, sur le dessin, oui. C'est mal de. Ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai que le dessin, c'est mal alors, de. Oui, de... effectivement, ouais. Sur le. Voilà le les sanglots. Ouais, voilà là, les sanglots longs d'automne. Ouais, ça pleut. On refait un tour. Oui. Ouais. Sachant que. Allons faire un tour. 2, 3, 4, 5, 6. Ridouane. 2, 3, 4, 5, 6. 4. Vous pouvez pas prendre le 2, c'était au-dessus. Non, 4. Ah oh ah, c'est vidéo tout plat. Ah oh après la joie. Il reconnaît son ex. Non. Il y a un sourire avec une bouche ouverte. Elle souriait pas, ton ex? Non. Non. Elle a les yeux ouverts. Et les sourcils... Un peu haut. Un peu haut. Ouais. Elle est contente, hein. Ça, ouais, alors c'est plus en effet le sourire. Ouais. Ouais, là c'est plus le sourire. Hein. Donc le temps que ça se passe, parce que c'est pas rapide ce qu'on a. Là, bon, c'est plus le. Oui, elle est contente, c'est un sourire de contentement. Ouais, c'est. Hein, oui, elle est paisible, elle est contente. C'est ça. Voilà, c'est ça, c'est exact. Donc avec cette caractéristique de la bouche ouverte normalement, les yeux assez grands. Le ravissement. Ouais, c'est ça. Le ravissement, ouais, c'est ça. Contente, ouais. Ouais. Mienne, elle est zen. La mienne est ouais. Bipolaire. Hein. Hein Jade. Alors. Après. Ton deuxième tirage. Il reste de quoi à quoi? 2, 3, 5, 6. 3. 3. Bah oui, ça tombe bien après le sourire. Eh bah, vu comment elle a une bouche ouverte, les yeux fermés et les sourcils un peu froncés, je dirais qu'elle rigole. Ouais, en effet, oui, en effet. Voilà. Elle éclate de rire, c'est bien ça. Le rigoletto. Ouais, ouais. C'est trop drôle, mon senpai. Ouais. La blague voilà. Était très marrante. Là, on la voit vraiment, elle rigole, hein. y a aucun doute. Hein. La bouche un peu de travers, mais ouais. Ouais. Oui, c'est vrai, ouais. Légèrement. Un problème avec la bouche. Non, les yeux. Bah, c'est déboîté la mâchoire, en force. Imagine les dents, c'est des lèvres. L'image est différente. Ouais. Ah oui, ouf. Ouais. Ouais. C'est un canard. Un canard qui nous fait ouais, bah, l'expression du canard en manga ça, peut-être ça un tel bus c'est pour ça que ça s'appelle des fois le sourire. Ah oui ah, c'est, la oh, ouais, c'est très beau ça oh, c'est beau ça ouais. Ah, oh, là, c'est beau ouais, vous avez compris sur Twitch. Vous avez compris comprenez ma blague s'il faut vous plaît faut que je vous l'écrive. Là, c'est le sourire mais en deux mots. Voilà. Et pas le sou, S-O-U, S ou n'importe quoi. Thierry, justement, tiens, comme t'as le sourire. Eh ben, la première qui vient. Deux. La deux. Voilà. Deux. Elle est magnifique l'image. La première qui vient. J'aime bien, j'adore. Ah, je sais avant. Pas, je sais pas si l'expression va vraiment être. Là, je vais faire un doublage après sur l'image. Il y a un truc qui va pas chez eux. Ouais, il y a un truc qui va pas, oui, c'est exact. Donc l'expression est pas si mal que ça. Alors la bouche étant grande ouverte, est-ce qu'il en sort quelque chose? Non. Les yeux étant aussi écarquillés, je ne sais pas. Est-ce qu'elle est perplexe ou est-ce qu'elle crie en même temps? Je ne sais pas. Ah tiens, c'est pas ça. C'était une autre. Kevin est mort de rire, mais je ne sais pas pourquoi. Oh. À votre avis, c'est vrai que ça peut prêter à confusion. Moi, si je fais un double AC. Disons que j'ai une pensée qui n'est pas très Twitch friendly, on va dire. Ah bon, d'accord. Jade est complètement dedans. Estomaqué, là. La perplexité. Mais... Ouais, la peur, la frayeur. Ah, d'accord. Mais oui, c'est vrai que la frayeur, oui, c'est. On est trop à avoir compris. Nous, on discutait d'autres choses, donc on n'a pas suivi. Bon, les hentai, ils se calment, là. Il a compris. Faites-nous partager, on ne comprend pas. Non, en antenne. C'est pas Twitch friendly. Ouais, exactement. Voilà. Ah oui, parce que bon, faut penser aux règles. La bouche, voilà. Bon. Voilà, ça, on a beau. Alors, c'est quoi l'émotion? La peur, la frayeur. La frayeur, ok. Ouais, c'est vrai que c'est plus. Elle est choquée et énervée. C'est plus choqué que. Oui, là, la frayeur est un peu limite, en fait. Les choquitudes. En fait, elle a l'air pas contente. Voilà. Ok. Lisa, 5 ou 6? Celle que t'as en premier. Putain, ils ont quoi à prendre toujours les premiers? Ouais, parce qu'ils savent plus. Là, on a pris leur numéro fétiche déjà, donc ils sont. Oh là là, alors elle a... D'accord, très bien. Les yeux renfrognés. Les yeux renfrognés. Je sais pas comment dire, oui, la bouche mauvaise. Ça a l'air de loucher quand même. Ouais, bah je crois que je vais mettre tout de suite. Je sais pas comment. Enfin, elle a des grands yeux, mais elle a un air pas content, quoi. Hein. Genre. C'est la colère, quoi. Ouais, un peu la colère. Vexé. Ah, boudeuse. Ouais, oui, ouais, ouais, c'est ça, oui. Exactement. Elle boude en ouais, alors là... Oui, c'est vrai que ça pourrait être la bouderie, c'est vrai, avec les yeux, on voit une certaine colère. Oui, oui, je ne sais pas comment exprimer, effectivement. Et là, je vous dirai après où j'ai pris les références, hein, parce qu'en fait, je les ai pris sur un livre. Mais c'est vrai que quand on est habitué, qu'on le voit dans le manga, avec il y a toujours des symboles d'expression qui vont avec. Là, c'est pour transmettre la perplexité. Oui, c'est ça. Ah oui, aussi, quand tu réfléchis. Ah, ouais. Moi, c'est parce que c'était sa bouche aussi qui était vers le bas. Alors, je me suis dit, alors c'est vrai qu'en général, dans les mangas, bah, tous les trois, là, Kevin, Jade, Ridon, je pense que vous allez me le confirmer, il y a l'expression du visage, mais il y a toujours quelque chose à côté. Il y a toujours un petit truc. Ouais. Voilà, que là, il n'y a que le visage. Alors, c'est vrai que c'est plus difficile à deviner. Okay. Voilà. Il y a soit trois petits points ou alors. Kevin, t'as pas le choix, t'en as deux là. Ah, génial. Ouais, mais bon, ils sont proches l'un de l'autre en fait. Hein. On va finir sur une bonne note, vous inquiétez pas, ça tombe bien. Ça tombe très bien. Alors, les yeux sont un peu plissés, la bouche est totalement fermée, et il y a un regard un peu, tu sais, comme si ça avait fait une connerie et que c'est content. Ah, c'est vicieux. le regard de Kevin. Ouais, un peu en vrai. Ouais. Les yeux en revolver. Aussi, non, peut-être. En vrai, j'aurais bien dit un personnage, mais le problème, c'est que pour ceux qui regardent en version française, je vais spoiler le manga. Ah oui. Oui. Ah bah. Hein, quoique. Anya. Dans Spy X Family. Anya, oui. Ah ouais. Bah, c'est un peu. Ouais, c'est un peu. Bah, en fait, elle est. Elle est amoureuse? Alors dans le non, preuve, dans le peu, A, oui. Pourquoi elle a, pas elle a l'air dans les nuages en mode elle est satisfaite sur le 6A, ouais, sur le 6B c'est plus satisfait, t'es content. Bah en fait c'est le plaisir, la joie, le bonheur, la satisfaction, c'est tout ça. T'es content d'avoir fait la plénitude. Ouais aussi, oui, ça, oui, peut, oui, voilà, un peu ça, ça peut. Alors ça c'est. Et la planitude aussi parce qu'on dirait qu'elle est partie. Alors ça c'est extrait de. Excusez-moi, parce que sinon on va se perdre. Ouais. Voilà. Vas-y, vas-y. Voilà. C'est extrait d'un livre. Je vais vous en donner un deuxième. Si vous voulez devenir mangaka, il y a quand même des livres. Oui. Celui-ci, c'est extrait de Apprendre à dessiner les mangas en 24 réalisations aux éditions ESI. Et l'auteur, ou l'autrice, non, c'est l'auteur. Si on prend la racine latine, on dit auteur. Heureux, oui. Ouais, c'est auteur. Tu peux dire aussi autrice. Non, non, mais si on prend l'étymologie, la vraie étymologie, c'est auteur heureux. Parce que je sais qu'on invente beaucoup pour montrer qu'il y a... Que les femmes existent, oui. Voilà. Mais en fait, la vraie racine, c'est une racine latine. Et d'accord. C'est auteur... Et tous les heures en racine latine, je m'excuse pour le cours, c'est E-U-R-E. D'accord. Ça, d'accord. C'est is, c'est une autre racine, je ne sais plus, mais voilà, c'en est une autre. Okay. Et l'auteur, parce que sinon je vais me faire reprendre, c'est Irina Sarnavska. Voilà. Tes souhaits. Ouais. Il y a un autre livre qui présente d'une autre façon, qui est intéressant aussi, c'est Objectif Manga aux éditions Merci les Livres. Et l'auteur, c'est Metzi O. O. C'est pour les débutantes et les débutants. Oui, plus, oui, c'est vraiment pour faire ses premiers pas. Tu vois, j'ai dit que j'avais rien fait, mais en fait, je suis allé voir un peu ce que je trouvais sur les mangas et j'ai trouvé beaucoup de bouquins comme ça pour apprendre à dessiner ou créer sa propre BD aussi. Mmh. Voilà. Voilà. On va créer une musique ? Non, on la crée pas nous. Hein. Bon, non. J'allais dire, après ce petit cours de dessin, tu vas pouvoir nous passer une musique aussi. Mais ouais. L'un dans l'autre, ça passe. Ouais. Alors, on va avoir Astonia, il me semble. Ouais, c'est ça. Des étoiles dans les yeux. Ouais. Ça va briller. Et les étoiles sont sur ? Indestar, comme toujours. L'arme fatale de la pop culture, c'est les Peak Avengers sur Indestar. Ça t'a pas trop vieux pour ces conneries. Ouais. Je m'y attends pas à chaque fois. Bah oui, c'est pas les bêtes habituelles en effet. Oui, ça bouge un peu plus, on va dire. Ouais. Bah il fallait que ça bouge avec nous, hein. Oui, quand surtout pour une émission manga en plus. Bah ouais. Si là tu ne prends pas des bêtes qui viennent de manga, c'est quand même c'est compliqué. Ouais. Alors il y en a qui nous écoutent, qui se disent peut-être oui, mais qui viennent de manga, il y a un truc de bizarre, c'est qu'en fait on les a un peu modifiés. C'est quand ça. Même. Ouais. Là par exemple, c'est. Attends, oui, c'est Pokémon. C'est ça, ouais. Ah oui, c'est mis en rapide pour par rapport. Non, là, je les ai tous ralentis. Un ralenti. Pour que ça puisse accompagner notre façon de. Voilà. Et il y en a, j'ai même modifié la tonalité aussi. D'accord. Voilà. On t'apprendra, t'inquiète pas. Mais du coup, c'est pour ça que je retrouve pas les chansons. Celle au blind test, il n'y a aucun changement. Elle est déboussolée. Ouais. D'ailleurs, faudra que je t'apprenne à les compresser, d'ailleurs. Oui, ouais. Mais c'est pas ça le sujet, Daniel. Non, mais c'est pendant que j'y pense, sinon je vais oublier. Je vais poser une question à Thierry. Kiri, quel est mon personnage de manga préféré? Toi-même. Ah, je m'attendais pas à ça, mais pourquoi pas? Non, je vais commencer par Kira, évidemment. Ah oui, quand on connaît Kevin, on peut dire que, évidemment. Death Note. Oui, Death Note. Ouais. Donc Kira dans Death Note, qui est, comme j'expliquais tout à l'heure, soit le méchant, soit le gentil, en fonction de la vision de chacun. Pour moi, c'est plutôt le gentil. Mais donc, c'est un personnage qui est plutôt arrogant, qui va pas hésiter à prendre des risques pour justement avoir le vrai nom de L et pouvoir le tuer. Dans Death Note, il faut obligatoirement avoir le nom pour pouvoir l'écrire dans le cahier et donc tuer la personne. Je peux écrire ton nom dans mon cahier. Alors, essaye, on va voir si non, ça mais marche. Il a dit que c'était un life regarde, note. Il y a marqué life note sur mon nom. Ah, donc non, c'est pas le Death Note. Mais donc non, c'est le fait d'écrire son nom sur le cahier, ça le fait mourir. C'est ça. Il d'accord. meurt dans les 45 après, attention, secondes. Il faut marquer comment il est mort, son prénom pas et son forcément. Nom. Non, pas forcément. Justement, tu as 45 secondes pour décrire les causes de la mort, si tu veux. Ah. Et par exemple, on va le voir au tout début du manga, il va faire une manipulation avec un criminel, il va dire il va mourir par un accident. Mm-hmm. Sauf qu'en faisant ça, justement, il va mettre sur la piste les enquêteurs de dire mais Kira ne peut pas uniquement tuer par crise cardiaque. Mm. Donc autrement, la cause de base, c'est la crise cardiaque. Mm. Et on va dire que bon, quand tu as 3 à 4 personnes qui meurent comme ça, tu te dis bon, c'est un hasard. Ouais, voilà. Mais quand on a 10 000 ou 20 000 comme ça a été le cas au tout début, bon, tu te dis c'est pas un hasard quoi. Ouais, si voilà. Tous écoutaient Indestar au même moment. Ouais, ouais. C'est pas un hasard non plus. Nous c'est pas je le sais carnet. Pourquoi. Oui. Ils ont regardé la soirée Halloween. Ah peut-être. C'est ah. pour ça. Ah, ça doit être ça, ouais. Et donc oui, nous si c'est pas le carnet mais si bon, j'aime autant ce personnage, c'est par rapport à sa vision que je trouve pas si mal, mais bon, voilà. On va continuer avec un antagoniste. Donc un antagoniste, c'est un méchant de Bleach, Aizen Sosuke. Alors, lui, j'aime bien ce personnage. Bon, d'abord, c'est, on va dire, avec E-Watch qui sort actuellement, c'est les deux principaux antagonistes de Bleach. Mais je mets Aizen au-dessus du lot parce que Aizen a un tempérament extrêmement calme, en fait. À côté, il va être très calme, très froid, très calculateur. Il va pas hésiter à dire au héros qui est donc Ichigo, qu'on peut voir en figurine derrière, que tout ce qu'il a fait, bah, ça a été dans le creux de sa main, qu'il n'a jamais été libre de ses choix, que c'est Aizen qui a toujours tout décidé. Il va pas hésiter à trahir les dieux pour s'allier aux démons. C'est vraiment un personnage qui a comme but de prendre la place du roi, en fait, dans Bleach. Et bon, ses pouvoirs sont très bien aussi, vu qu'il a ce qu'on appelle l'hypnose absolue dans le manga. Donc en gros, si tu l'affrontes, que tu as vu la libération de son sabre, un grain de sable peut être un dragon. Ah. Ouais, c'est assez dérangeant comme pouvoir. J'imagine qu'il fait tomber un grain de sable. Oh putain. J'ai un dragon dans l'œil. Ouais. Non, il l'a fait notamment ça quand il a affronté donc les 13 divisions qui servent à protéger le paradis. Il a inversé sa place avec une Davis capitaine. Ce qui fait que eux qui croyaient lui mettre des coups de sabre, tout ça, ils mettaient un coup de sabre au vice-capitaine. Et pas à ce personnage en particulier. Alors j'ai cru un instant que les vis, c'était les vis avec le tournevis. Je me disais, c'est quoi une vice-capitaine? Non, c'est pas ça, Damien. Donc, j'ai un peu triché, vu que normalement, je prenais un seul personnage du même manga. Sauf que là, je vais aller faire un tour du côté d'Aishik 21, où j'ai parlé tout à l'heure, donc manga de football américain. Il y a un personnage que j'adore dans l'anime, mais que je déteste dans le manga. Et inversement, il y en a un que j'adore dans le manga, mais qu'on n'a pas vu dans l'anime. Donc dans l'anime, c'est Hayato Akaba, qui est ce qu'on appelle un tight end au football américain. Donc un tight end, c'est un mec qui va pouvoir bloquer, rattraper des ballons, faire des courses. C'est le passe-partout, en fait, du football américain. Et donc, son équipe, c'est les Spiders de Bando, qui sont une équipe de kickers, donc qui vont se spécialiser dans les coups de pied. Et donc lui, c'est un personnage qui adore la musique, qui toutes ses techniques, vu que forcément dans le manga il y a des techniques qui sont basées sur la vitesse, sur le timing, sur la puissance, sur l'intelligence, lui toutes ses techniques sont basées sur le timing vraiment. Ce qui fait que forcément il adore la guitare, il adore tout ça. Et c'est assez marrant de le voir quand il reçoit des prix faire un solo de guitare et tous les autres. Mais tu sais que la musique n'a rien à foutre là-dedans en fait. Mais il s'entraîne sur de la musique ? Alors non, il s'entraîne pas sur la musique, il s'entraîne à côté, c'est juste qu'il a vraiment une passion pour la musique. Et l'autre, donc, c'est Marco, qui est ce qu'on appelle un quarterback. Donc le quarterback, c'est celui-là. Ça va être la tour de contrôle. Ça va être le cerveau. Donc des Akushu dinosaures. Et donc lui, par exemple, on ne le voit que dans le manga. C'est un personnage qui... Il a un principe. Il a été chercher quelqu'un d'extrêmement fort pour aller saquer donc le quarterback adverse. Donc saquer, c'est lui mettre un gros tacle. Sauf qu'il lui a dit, tu te retiens pas, comme ça, si tu l'exploses, s'il a un bras d'exploser, bah, il est obligé de sortir. Et s'il n'y en a pas d'autre, bah, il déclare forfait. C'est vicieux, ça. Ouais, mais c'est très bien. Comme ça, comme personnage, et même ses techniques sont très vicieuses. Vu qu'il va pas regarder l'adversaire en face, il va regarder uniquement le ballon. Et ce qui fait que forcément, quand ils vont affronter les héros, bon, le quarterback des héros va être saqué et va être blessé aussi. Et franchement, c'est un personnage que j'aime bien à cause de ça, à cause de son côté vicieux. D'accord. Vraiment. Et sournois. Ouais, c'est ça. Alors, on va aller faire un tour du côté de Naruto. Ah. Même si, bon, Naruto est un manga que j'ai détruit beaucoup ces derniers temps, avec Gaara. Mais je parle pas de Gaara du Naruto Shippuden, le Gaara tout pété, là. Je parle de Gaara dans le petit Naruto, où on va le voir en tant que méchant. Mais sa première apparition, on va le voir, il va faire sa technique, donc le tombeau du désert, vu que son nom en japonais, c'est Sabaku no Gaara, qui est traduit par Gaara du sable, en fait. Gaara du sable. Gaara ? Oui. Ça veut dire quoi, Gaara ? C'est Gaara, c'est un prénom. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est c'est son prénom. Oui. C'est son prénom, d'accord. Oui. Ah. Et donc, lui, on va le voir, il va utiliser sa technique et il va tuer quelqu'un, d'office. C'est une de ses premières apparitions. Ah. Oui, c'est vraiment pas un personnage très amical au début. Bon, après, avec Naruto Shippuden et Boruto, maintenant, ça s'agit, on va dire. Mais c'est pas le Gaara que je préfère, personnellement. C'est déjà, quand tu manipules le sable, pour moi, tu peux pas vraiment être gentil non plus. C'est, tu vois, il y a des pouvoirs qui font que bah, tu ne peux pas. Après, donc, on va aller voir du côté de Psychopass. Mais là, Là, je suis là. Ça y est, elle se réveille. Parce c'est que bon. Là, jusque-là, j'avais regardé aucun des animés, mais là, je suis là. Ah, ah ouais, t'en ouais. avais regardé aucun. Non. Pourtant, il y a des pépites dedans. Ah bah, excuse-moi. Donc, Mais elle va s'y mettre. Ouais. T'affole pas, hein, ça vient. Si je te dis Shogo Makishima et Shinya Kogami. Oui. Que je mets au même niveau les deux. C'est... Oui. Donc Kogami, qui est un des enquêteurs. Mm-hmm. Enquêteur. Ouais. C'est un bien grand mot, mais ouais. On va simplifier. C'est plutôt un chien. Oui. Et donc Shogo Makishima, qui est l'antagoniste de la première saison. Donc, oui. Makishima, donc, qui a tué l'ex-coéquipier de Kogami, et Kogami va partir se venger. Mm-hmm. Et donc pendant toute la saison 1, on va dire, ça a tourné autour de leur duel. Ouais. Mais c'est des détectives privés ou... Ouais. Alors, bah, en fait, c'est des détectives privés, mais de l'univers d'Av, de vraiment après. Parce que tout le monde a un niveau de psychopathe. Et qui a un niveau de criminalité. Ouais, voilà. Et ah, si le niveau de criminalité est trop haut ou quelque chose comme ça, bah tu finis en prison en fait. Donc, pas forcément, ça dépend du niveau. Vu que c'est soit il t'arrête, soit il te tue. Ouais, c'est mais ça. Même si t'as rien fait. Donc ça parle de psychologie, criminalité. Ouais, c'est ça. Alors, ouais. Pour voir, c'est un manga qui a beaucoup souffert d'une comparaison avec Death Note. Alors que ces deux mangas-là n'ont rien à voir. Ouais. C'est juste parce que Psychopass a pris le côté psychologique de Death Note, on a dit oh, c'est un copier-coller de Death Note. Bah, eh ben non. Eh ben non. Voilà. Ça a rien eh ben à on voir. Le dit haut et fort ici. Voilà. C'est pas Death Note. Mais même Lisa l'affirme, alors c'est vous dire. C'est, c'est deux mangas qui n'ont rien à voir et qui sont très bien à voir. Honnêtement, ces deux-là sont à voir tout simplement. Il y a rien à voir ou il y a tout à voir. Il y a tout à voir. C'est comme lire les images sur le papier ou je sais plus quoi tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il peut raconter? Ouais, c'est ça. Je cherche pas à comprendre. Mais c'est pour ça qu'on l'aime bien. Ouais. Non, mais on a compris ce qu'il veut dire. Voilà, l'idée qui était derrière. Ouais. Pour finir, on va finir avec un de mes persos féminins préférés, Rei de High School of the Dead. Justement, on en a parlé tout à l'heure un petit peu. Donc, c'est... Comme on disait, donc c'est un personnage. Bah, le manga se déroule après une apocalypse de zombies, donc forcément, il y a un groupe qui se crée sous le leader Takashi Komura. Rei est amoureuse de Takashi. Elle va jamais lui avouer, puis lui, au début, il va s'en foutre, mais après, une fois qu'elle sera mise en couple avec quelqu'un d'autre, bah, bizarrement, il va être un peu plus intéressé. Oh, quel chieur! Non, ouais, totalement. Oh, sauf dire avant, non, mais sérieux. Sauf que le problème, c'est que le petit ami de Rei va mourir dans le premier épisode. Ah, et là, Rei va commencer à se rapprocher de Takashi, sauf que dans le groupe, il y a une autre femme, et l'autre femme va se rapprocher aussi. Ce qui fait qu'il y a un petit triangle amoureux qui est assez marrant à voir. Et arrive à Princesse Sarah. Oui, on passe de Princesse Sarah à ça. Comme je disais, bah, on ne saura jamais la fin, vu que le manga ne continuera pas. On ne saura jamais la fin. Il était dans le coin, il cherchait la vanne. Wow. Ouais, c'est ça. On l'entendait pas, mais là. Et alors, pourquoi c'est ton personnage féminin préféré? Disons que moi, j'ai un problème avec une arme, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans les mangas, c'est les lances. J'adore les lances. Et elle a une lance. D'accord. Donc forcément, ça aide aussi. Yes. Mais son caractère aussi, son tempérament. Les filles dans les mangas, le problème, c'est que c'est souvent mis comme subalterne. C'est pas trop. Non, c'est plutôt bête, un peu idiot, on va dire. Il y en a. Ah d'accord. Et Le trait est très forcé parfois. Voilà. Oui, c'est gênant. Il ouais. y a très très peu de mangas où c'est pas le cas. Bon, il y a l'attaque des Titans où c'est pas le cas avec Mikasa. Mm. T'as aussi mince enfin, attends bon. Je pensais à une autre merde. Bon alors les créateurs de dans Bleach justement voilà, t'as pris le début de ce que je voulais dire. Vas-y. Mais autrement tu peux y aller. Vous qui nous écoutez et qui écrivez des mangaka, enfin qui écrivez des mangas qui en consommez, arrêtez de faire des personnages féminins qui sont un peu neuneux, niaises. Et... Mais après, il en faut aussi. Ouais. Mais voilà. Disons que dans les mangas, quand tu y en a un peu que... trop. Là, c'est caricaturé. Une amie dans One Piece, c'est pas tellement ça. T'en as quelques-unes, comme on disait, qui sortent du lot, mais. C'est souvent, même bon, dans Skyward Survival, la sœur, elle est pas neuneux non plus. C'est. Après, il y a aussi par exemple Darling in the Franxx. Voilà, c'est. Voilà. C'est pas, elle est pas vraiment neuneux, mais c'est quand même un des grands personnages principaux. Ah, c'est là dans Sword Art Online. Ouais, voilà. Mais les filles ou les femmes qui lisent les mangas ou qui voient les animes, elles se plaignent pas justement de ce trait-là. Jade. De caractère. Je suis pas offensé. Voilà. C'est ta réponse. Parce que le truc, c'est que je me dis, j'ai pas mettre à la place du personnage. C'est l'auteur qui a décidé, d'accord. C'est tout. Il y a des personnages auxquels tu t'identifies plus que d'autres, en fait. Et, c'est ça. Il y en a, ce genre de personnages n'en font pas forcément partie. Ouais, non, tu vas plus t'identifier à par exemple, comme j'ai mis un Kira qui est plutôt charismatique, à quelqu'un qui est neuneux ou inutile. Bien sûr. C'est, par exemple, dans Naruto. Alors, c'est très méchant ce que je vais dire, mais tu vas plus t'identifier à Naruto ou Sasuke et pas à Sakura. Oui, mais pour une fille ou une femme, tu t'identifies plus facilement au caractère féminin. Oui, tu vois. Plus facilement, mais disons que dans ces mangas-là, par exemple, je vais reprendre Naruto, tu as Tsunade qui est très loin d'être neuneux quand même. Ouais. Donc tu vas plus t'identifier à Tsunade qu'à Sakura. Ouais, c'est comme j'allais prendre l'exemple de Fairy Tail entre c'est Lucie et Erza. Oui. Là il y a vraiment les deux extrêmes. Oui. Ouais. Oui, d'accord. Lucie qui est vraiment neuneux, que Erza, c'est un personnage. Comme on dit. Tu vois, Twitch est totalement d'accord. Il me dit oui, je suis d'accord avec Kevin, il y a beaucoup trop de personnages féminins stupides. Ouais. Voilà, il a même été plus loin que moi dans les termes. Ah. Donc bon, moi j'étais un peu modéré, mais oui, le terme. Prends des pincettes. Ouais, c'est ça, mais oui, le terme c'est stupide carrément. Oui, c'est de toute façon stupide. Mais voilà. Donc, si on veut débuter, surtout on peut regarder Death Note et Psycho. Alors, attention, Death Note et Psycho Pass, ce n'est pas des mangas que je recommande au jeune public. Ouais. Ah. Psycho Pass, c'est. Ça va. Non. Non, c'est, non. C'est limite, non. Non. Psycho Pass, le problème, c'est qu'il y a la neutralisation létale. Ouais. Et la neutralisation létale, le corps de la personne explose. Oui, voilà, c'est pas. Sauf que tu vois les détails. Ah oui, c'est violent. C'est pas très beau. Pour un public jeune, je ne le recommande pas. Death Note, avec toute la psychologie qu'il y a derrière, tout ce qu'il y a, je ne recommande pas. Ouais, non. Ça peut donner des mauvaises idées. Mais tu dirais à partir de quel âge, Mio? Death Note? Je dirais. C'est l'enfant à Noël. 40 ans. Maman, moi, c'est à Noël. Noël, il m'amène le Death Note. En vrai, je dirais vers 14, 15 ans, l'adolescence, en fait. Oui, d'accord. Quand tu commences un peu à. À développer ton côté critique, un peu tout ça. Donc faut le voir avec beaucoup de critique et beaucoup de sens derrière Death Note. Mais autrement, pour débuter, bon, il y a Moi, j'ai déjà abandonné. J'ai regardé 5 épisodes, il fait je comprends plus rien. Il faut s'accrocher. Ouais, c'est que t'avais pas le Kevin pour expliquer, c'est pour ça. Non, mais même moi qui l'ai vu, je sais pas combien de fois, je découvre des trucs en le revoyant. Après, il y a le truc que moi, je regardais pas forcément les épisodes enchaînés comme ça, parce que j'ai pas tout mon temps non plus. Mais disons que faut pas voir tous les épisodes enchaînés non plus, vu que c'est pas bon. Mais pour débuter, t'as des mangas comme Naruto, Dragon Ball, One Piece. Mais est-ce qu'ils ont un... Parce que moi qui suis adulte, mais débutante, est-ce qu'ils ont un propos... T'es adulte débutante, toi. Est-ce qu'ils ont un propos derrière aussi voilà, c'est une seconde lecture ou c'est... Tu as toujours une morale derrière, en fait. D'accord. Ouais. Comme là, par exemple, je vais prendre la morale de Death Note. Kira, qui voulait être un dieu, bah, s'est pris pour un dieu, mais mort par le dieu en question. Donc ça veut dire que l'humain... Bah, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut avoir n'importe quel pouvoir, vu que là, bah, Kira avec le Death Note a ni plus ni moins que le pouvoir de vie ou de mort. Même avec un pouvoir comme ça, tu restes humain au final. D'accord. Et faut le voir avec ça. Bon, il y a d'autres choses, comme par exemple, est-ce qu'une personne qui se sacrifie pour le bien du monde en tuant tous les criminels, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Tu vois, il y a beaucoup de choses dans Death Note. Bon, dans Naruto, la morale, c'est que bah, faut toujours travailler, faut toujours s'obstiner. C'est, en fait, t'en as beaucoup trop dans les mangas. C'est, faut vraiment les voir. Et ça dépend de ce que tu veux après. D'accord. Et ceux que t'as, dont tu as parlé, là, ils sont bien dessinés aussi? Alors, niveau dessin, oui. Bleach. Alors, Bleach, même, je vais prendre ce cas-là, vu que c'est un cas un peu particulier. Bleach, l'animé, a été obligé de mettre beaucoup de hors-série à côté, vu que bah, l'auteur, il dessine en gros. Sauf que quand tu dessines en gros, tu as plus de détails à faire, tout ça, bah, tu t'es gobo. Et. Il devait faire du remplissage le temps que l'auteur écrive. Ah oui, d'accord. Là, par exemple, l'arc final qui sort actuellement, il sort après une dizaine d'années où il n'y avait pas d'épisode. Oui, donc t'as le temps, oui. D'accord. Oui, il y a pas mal de temps. C'est un peu comme l'ellipse qu'il y a eu de One Piece. Oui, ou Fairy Tail aussi, où il y a eu aussi. Il y a eu beaucoup de mangas où t'as eu des ellipses. D'accord. C'est assez fou. Bon, par exemple, Aishi 21, bah, c'est pas si mal dessiné. T'as vraiment l'impression de vitesse dans le manga aussi. Donc, des personnages, t'en as qui courent à 4 secondes 2 le 40 yards, donc c'est la limite humaine. Ah, d'accord. Sauf que quand ils courent, bah, t'as vraiment l'impression qu'ils vont vite, en fait. Et dans l'animé, t'as pas forcément cette impression là par exemple. D'accord. Moi, je suis à la base chez Olivier Tom, tu vois, les effets pour la, ouais, le terrain, oui, qui fait 10 km vitesse, de long, ouais. Ouais. Mais oui, non, après les mangas, bon, là j'ai parlé de ceux-là, mais bon, c'est un choix que j'ai fait, vu que bon, il y a plein d'autres. Où... Par exemple, dans Bleach, il y a Grimmjow que j'adore et Ulquiorra, qui sont deux méchants aussi. Mais vu que j'en avais déjà mis un, bah, j'allais pas en mettre un autre. D'accord. Mais. Non, mais tu vois, pour quelqu'un qui ne s'y connaît, qui connaît rien, c'est intéressant de déblayer un peu le terrain. Ouais. C'est ça, c'est en fonction des mangas, bah, comme on disait, t'as une morale derrière, souvent c'est. Bah, t'as toujours une morale derrière. Ouais, un comme manga, nous dit en fait. Tartman, souvent la quasi-totalité des mangas sont jolis. Bah, c'est souvent quand même en termes de dessin, tout ça. Après, tout dépend comment le mangaka dessine. Ouais. Tu as beaucoup de choses à retenir au final. Et ça peut aider à vivre, ça peut aider à réfléchir. Disons que ça va pas forcément t'aider, mais je dirais plutôt que ça développe certaines choses. D'accord. Comme là, bah, par exemple, Death Note, tu développes ton esprit critique avec. Naruto, bah, tu te dis, bon, s'il a travaillé dur, pourquoi j'y arriverai pas non plus en travaillant dur, voilà, pour réaliser ses rêves. T'as un peu des morales. C'est une leçon de vie. Voilà, c'est ça. C'est bien, dit. Ouais. Ouais, Death Note, oui, bah, voilà. Pour Naruto. Pour Naruto, mais Death Note, t'as une morale quand même derrière, c'est pour ça. C'est... Et donc, voilà. Bon. Voilà, un petit peu les quelques personnages. Donc, bon, il y en a plein d'autres, comme je disais, mais bon. Ouais. Et dis donc, Kevin, pour les autres émissions. C'est quoi, du coup, ta musique préférée, toi? Tu n'en as pas? Si, j'en ai une, mais c'est pas celle qui passe en fait. Ah, dommage. Non. À la fin du blind test? Non, il n'y est même pas. Non, mais tu nous le diras à la fin. Ah, ouais, tiens, pourquoi pas. Bah, allez. Et là, en attendant, on va écouter Jake Coco, Betty, sur Indestar. Happy birthday, happy Christmas, happy New Year, happy Avenger. Oui, Thierry. Non, t'avais pas grand chose à dire là. Ah si, ça tu peux y aller. Là, hein. Je te pique pas ton rôle de faire les lancements. Non, mais vous l'auriez vu pour ceux qui ne nous suivent pas sur Twitch à chaque fois. Là, non, on ne le voyait pas là non plus. Ah, non, non, mais... C'était caché derrière Pika. Non, non plus. Mais on va dire il a eu un petit sourire de vainqueur. Ah ouais, je trouve quand même très bien fait. Ouais. Bah, en plus, tous les gens qui l'entendent disent waouh, celui-là, il c'est est ça. Classe. Hein. Ouais. Ah, donc, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une trouvaille de Thierry. Hein. C'est ça. Voilà. Et nous aussi, on l'adore, celui-là. Et on partage. Oui, c'est ça. Si vous voulez m'écrire perso, écrivez à Indestar ou appelez au 0970 407 306. Vous pourrez avoir Thierry en direct. Voilà. Ça. Voilà. J'aurais pas dit mieux. N'est-ce pas? Ouais. Tu vois, là, par exemple, là, le bête qu'on a, c'est un thème de Bleach. Ça tombe bien vu qu'on ne va absolument pas parler de Bleach. C'est voilà. Ça. Alors c'est justement un thème modifié. La même lettre, voilà. C'est pas c'est ça. Voilà. Oui. Ça. Ouais, non, pas totalement. Ouais, du tout même. C'est totalement pour être gentil. Je vais vous parler moi d'un manga que j'affectionne particulièrement. Ah. Ça fait des années que je le lis, j'adore. C'est un manga assez spécial d'ailleurs. C'est un manga déjà, c'est pas des humains, c'est des animaux. Donc déjà ça change un peu. Oui. Et puis je vais vous parler du coup du manga Beastars. Thierry, alors, un bravo dans le chat. Et je vais vous parler de ce manga parce que tout simplement pourquoi vous parlez pendant que je parle? Non mais vas-y, c'est que non One Piece, c'est bien. Je fais mon rôle. Non, c'est qu'il y a des félicitations et en arrière-plan, on parle en arrière-plan. Voilà, d'accord, super. Voilà. Mais vas-y, continue à parler en premier. Fais comme si on n'était pas là. Et okay. Sinon, tu cultives quoi dans ton jardin? Bon allez, vas-y, Beastars. Donc Beastars, Wiz. J'ai n'importe quoi. Oui. Du coup, je voulais parler de ce manga parce que moi, je vois pas beaucoup de personnes qui le connaissent, ou du moins, il y a une toute petite communauté. Donc j'en parle un peu. Et c'est une mangaka qui a dessiné et écrit ce manga. Mais ça veut dire quoi, mangaka? Ce sont des écrivains. C'est juste des ceux qui dessinent de manga. Voilà. Ils font les dessins et le scénario, c'est ça ? Ah, ok. C'est le terme. Ils font le dessin et le scénario, c'est ça ? Ouais. La mangaka s'appelle Paru Itagaki. Et Ouais. Non, ça c'est autre chose. Ouais. C'est je mange et pas vous, comme on peut le traduire aussi. Le manga est assez récent, parce que la série a fait de 2016 à 2020. Donc c'est vraiment récent. Il y a plusieurs genres dans ce manga. Il y a une fiction d'apprentissage, du drame, de la fantasy. Il y a vraiment pour tout. Il y a même beaucoup de thèmes, comme par exemple l'amitié, l'amour. Il y a du combat, il y a du harcèlement aussi, malheureusement. Il y a une histoire de société. Ce manga fait beaucoup réfléchir en vrai. Il y a 22 volumes, si ça vous intéresse. Donc au moins, ça remplit pas tout votre mangatech. Surtout si elle est petite. Comparé à Naruto, ouais. Ou autre. Ouais. Là, il faut louer la chambre du voisin. Et petite anecdote, l'éditeur VF, la version française du manga, d'ailleurs, le manga, je l'ai avec moi. Oui. Pour ceux qui sont sur Switch, je l'ai là. Il y en a là. Mmh. Si je mets l'autre caméra. J'en ai mis dans le décor. La prochaine de l'autre caméra. Ouais. Il y en a une là-bas et deux dans le. Dans le coin. Ouais, c'est pas loin. L'éditeur de la version française, c'est Ki-Hoon, si je le prononce bien. Et petite anecdote, ce sont les mêmes éditeurs que My Hero Academia. Donc déjà, voilà. Qui a un très gros manga, My Hero Academia actuellement. Voilà, oui. Ouais. Je vous parlais d'ailleurs de la société, disant que c'est très intéressant parce que les animaux, il y a deux catégories. Il y a la catégorie des herbivores et des carnivores. Donc c'est assez compliqué, c'est pour ça qu'il y a une histoire de place dans la société, tout le monde se sent pas forcément à sa place, enfin, c'est compliqué. Je vais vous lire un peu le résumé du premier tome pour pouvoir vous donner un peu... Oh non, de la lecture. Oh bah oui, pour vous donner un peu le contexte et tout ça, comme ça, ça va peut-être vous donner envie de le lire. Donc, je commence. J'ai envie de le lire. Voilà, c'est bon, c'est la fin. T'es amoureux, toi. Alors. C'est un menteur, surtout. À l'Institut Chiriton, herbivores et carnivores vivent dans une harmonie orchestrée en détail. La consommation de viande est strictement interdite et les dortoirs sont séparés en fonction des régimes alimentaires. Tout pourrait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais la culture ne peut étouffer tous les instincts. Quand le cadavre de l'alpaga Tem est retrouvé déchiqueté sur le campus, les méfiances ancestrales refont surface. Ah. Il y en a un qui a reculé à côté de moi. Non, c'est que je me recalais sur le siège en fait. Savoir, on a tout vu, Daniela. Ouais, non, mais c'est pas que j'ai eu peur, ça aurait pu être pris pour, en effet. J'ai cru en vrai. Le timing était. Oui. Le timing n'était pas bon. Si, très bon pour tromper. Alors, les gauchis. Qui est un grand loup gris, pour savoir. J'ai perdu. Legoshi est la cible de toutes les suspicions. Parce qu'il était très proche de Tem, parce qu'il est une des dernières personnes à avoir été vue en sa compagnie, et surtout parce que c'est un loup. Pourtant sensible et timide, il fait son possible pour réprimer ses instincts. Et là, Hélas, ses efforts sont vains face au vent de discrimination qui fouffle. Qui... Oh, j'ai pas dit. Ah bah, fin février, ça fouffle. Ça fouffle. Vas-y, on est dans ma phrase, piano panier. Alors, hélas, ses efforts sont vains face au vent de discrimination qui souffle sur le pensionnat. Le seul qui pourra apaiser ce climat de terreur est le Bistard, le leader de l'école. Pour l'heure, les candidats se préparent, les élections approchent. Le favori n'est autre que le cher Louis, étoile incontestée du club de théâtre auquel appartient les gauchis. Bien décidé à remettre les carnivores à leur place, il fait mine de ne pas craindre les crocs acérés du loup gris. Mais peut-être serait-il mieux avisé de ne pas le sous-estimer. Allégorie frappante de notre société, Bistard renverse toutes les conventions. Quand l'herbivore fait preuve d'une ambition carnassière, le loup devient le paria. Au cœur des jeux du pouvoir impitoyable, jusqu'où peut-on refiler sa vraie nature ? Ah oui, ça a l'air très intéressant, effectivement. Ouais. Voilà. L'herbivore devient carnivore, et coup, le carnivore, je sais plus ce qu'il veut faire. Voilà, ouais. C'est bon, t'as envie ? Ouais. Je vous ai donné envie. Moi pas, je sais pas pourquoi. Faut que tu le relises, je crois, pour que j'ai envie. Oh bah, c'est parti. Arrête de raconter des salades. Je suis bien fait. Alors, je vais vous présenter un peu les trois personnages principaux. Enfin, normalement, il y en a un, mais il y en a deux autres qui sont quand même importants. Ils se font pas bouffer, non ? Non. Il y a le loup déjà. C'est voilà, le loup de Legoshi qui est le principal, qui est le personnage principal. Donc un loup gris qui est moi-même assez grand. Voilà, le protagoniste. Mmh. Qui est quand même assez grand parce qu'il quand même, il fait quand même 1m80. Ah, il est pas, pas petit. Moi. Hein. Un loup basketteur. C'est moi. Comme tu dis, 1m80 au basket, je suis pas sûre que c'est grand que ça. Si, si, en départemental. Ah ouais bon. En départemental. Donc comme j'ai dit, il est très timide, il refuse de céder à ses instincts et c'est aussi un membre du club théâtre. Sauf que lui, il fait la gestion des lumières. Il n'est pas acteur, ou etc. Oh le nul, le pauvre. Il est timide. Hein. Ah je comprends, d'accord. Voilà. Okay. Il est dans l'ombre avant d'être dans la lumière. Voilà, wow. C'est ça. Wow. Il est timide mais il se soigne. Ça fait réfléchir. Tout à fait. Alors Louis, le fameux cerf. C'est un cerf rouge qui est l'étoile du club théâtre. C'est un acteur et une grande star de l'institut. Carrément, toutes les meufs s'encrochent sur lui. Carrément, je l'aime pas. Dès qu'il passe, il fait « Louis !» Ok, bien imité, n'empêche. Voilà, et c'est pas le loup qui... Le beau gosse. Voilà. C'est pas le loup qui s'appelle Louis. Charismatique. Voilà. Louis est très égocentrique. C'est un personnage qu'on peut pas forcément aimer parce qu'il est très égocentrique. Et pas sympathique. Surtout envers les gauchis, il se prend un peu de haut. Ah, donc c'est un personnage que j'aimerais bien, quoi. Voilà. On a aussi le troisième personnage qui est une fille. Haru, qui est une lapine naine, blanche, qui est surnommée un peu de traînée dans le lycée. C'est pas forcément la meilleure rumeur. La peau. Voilà. Pour un lapin, se faire traiter de traînée, c'est quand même... Elle est petite, elle est mignonne, voilà. Donc, non, vous avez pas compris, elle est sortie, on lui a dit « Où as-tu été traînée encore ?» Je pense pas que ce soit ça. Ah, non, je pense pas non plus. Revenons-en au lapin. D'accord. Qui est, elle est aussi membre d'un club, c'est la seule, c'est la chef. Le club de lapine. Le club jardinage. Jardinage, ah d'accord. Elle s'occupe des comme plantes. Par hasard. Ouais. Voilà. Donc voilà un peu nos trois personnages principaux. Bien sûr, il y en a d'autres dans le manga qui arrivent. Il y en a tellement, j'ai même pas envie de les citer. Non, elle, on n'est pas couché. Elle fait pas le poids comparé au loup et au cerf. Oui, c'est vrai, mais en fait, c'est son histoire parce que je spoil pas un peu. Enfin, non, mais t'es pas obligé. Voilà, de... c'est qu'en fait, au bout d'un moment, Legoshi et Haru vont se rencontrer et c'est là que l'histoire va complètement dérailler. C'est vraiment le gros truc. En plus, il y a Louis au milieu, donc voilà, ça arrange pas les choses. Respire, oui. Tout va bien se passer. Tout va bien. Qui ne peut pas respirer ? Qu'est-ce qui t'arrive, Kevin ? Non, rien. Vous avez raté un truc, c'est tout. Ah, d'accord. Ah. Mais, en même temps, j'ai Pikachu devant toi, donc depuis le début, non, c'est fallait écouter. D'accord. Tu vois, quand on parle, on n'entend pas toujours. Vous pouvez réécouter le podcast. Ouais, voilà. C'est ce que je vais faire podcast, ce soir. Ouais. Elle était belle, Thierry, celle-là. Donc voilà, est-ce que vous avez des choses à dire ? Parce qu'après, je pourrais ajouter des choses, mais après, je peux spoiler. Ah. Rajoute, apparemment. Ok, alors, si ça vous intéresse... Non. Allez, salut. Au revoir. Ça, c'est fait. Si ça vous intéresse, il y a une animation sur Netflix dessus. Oui. Ah, j'allais demander s'il y a un anime. Ouais, voilà, il y a un animé dessus. Franchement, les dessins sont très bien faits parce que c'est du 2D, mais en 3D. Ah. Voilà. Donc c'est très complexe. En plus, ça a mis beaucoup de temps à se faire. Comme par exemple, la saison 2, elle est sortie que cet été. Donc ça prend beaucoup de temps. Alors mettre le 2D en 3D, ça prend du temps. Ouais. C'est ça. faire les épisodes, les animés, les doublés. Voilà, hein. C'est pas facile. Ah, hein, donc faire voilà. Valider par Jade. Suffit de voir les gros studios qui prennent en moyenne un an pour sortir. C'est ça. Ouais. Et on parle des très gros studios là. Donc après, je ne sais pas si le studio qui fait Beastar est un gros ou un moyen ou un petit. Oui, mais donc voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Mais qu'est-ce qui t'a plu précisément dans ce manga? Moi, ce qui me plaît dans le manga, c'est vraiment l'aspect réfléchi. C'est vraiment que les rôles inversés. Ouais, c'est ça. C'est les rôles qui sont inversés et de savoir. Oui, s'il serait dans ce rôle-là, est-ce que ça aurait fait quelque chose d'autre? S'il aurait fait ça, nanana. Si par exemple, je sais pas, si Louis il aurait été un peu moins égocentrique, un peu plus gentil avec les Goji, est-ce que ça serait peut-être mieux passé dans l'histoire? C'est beaucoup de choses qu'il faut réfléchir et c'est. Beastar, c'est vraiment la morale. C'est vraiment, c'est pas parce que t'es un loup que t'es vraiment le méchant de l'histoire. Il y a un écho avec les fables, si je puis me permettre, parce que c'est des récits d'animaux qui représentent la morale des humains. Oui, voilà, c'est exactement pareil. C'est ça. Voilà. J'ai tout compris. C'est bien, tu as tout compris. C'est bien. Donc oui, il y a vraiment de la morale. Même en étant explosé de rire, t'as compris quand même. C'est fort. Non, mais parce que dans la littérature classique, il y a plein de gens qui ont utilisé les animaux pour faire passer des leçons. Hein, c'est ça. Donc voilà, je voulais vous présenter un peu ce manga un peu inconnu au bataillon pour moi, parce que je ne connais pas beaucoup de personnes qui connaissent. C'est ce que on disait tout à l'heure avec Redouane, c'est pas tellement le manga, c'est les openings qui sont connus du manga surtout. Oui, surtout la saison 1. Et c'est ça qui a permis aussi de le faire déconnaître. Ouais, déconnaître. Faire connaître. Non, mais oui, voilà. Alors moi je parle pas français ce soir. Connaître et reconnaître. T'inquiète pas, moi non plus. Pour expliquer un peu, j'ai inventé un truc tout à l'heure, j'ai appelé mon frère tout ça pour demander des nouvelles. Je lui ai dit, je pensais tomber sur le rétombeur. Ah, mais c'est quand on est très fatigué, quand en général on a un verre. C'était quelle heure? Il était quoi? Il était 17h, 18h. Ah, d'accord, là ça va pas. Hein. Ouais, non, c'est. Actuellement, j'ai fait. Je suis tombé sur le rétombeur. C'est un nouveau concept. C'est pas possible. Non, mais j'arrête pas actuellement, de toute façon. Laissez un message. C'est une fatigue intellectuelle, c'est vrai. Faut que tu te reposes, Kevin. Tu as une personnalité fatiguée. Non, mais fatigue intellectuelle, c'est de naissance chez lui. Ouais. Il est tombé dedans quand il était petit. Ouais, c'est ça. Attention, on écoute. Alors, par contre, parce que je crois qu'il est bien de le mentionner, Beastar n'est pas pour les enfants. Mmh. Normalement, sur Netflix, elle est catégorisée au moins plus de 16 ans. C'est pas pour rien. Mmh. Parce qu'il y a vraiment tous les thèmes, il y a de la violence, il y a du. Et pas très bien. Donc, ouais. C'est vraiment pas un manga pour les enfants, vraiment. Vous voyez, Danganronpa, ça a une apparence mignonne. Bah, oui, voilà, c'est pas pour les enfants. Là, c'est pas parce que c'est des petits animaux tout mignons que c'est. Non, mais pas Zootopia, en fait. Ça, tu prends, c'est à la classification. Bah, oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Lisa. Mais ça dépend de chacun, en fait, vu qu'il y en a. Bah, on va prendre Beastar, Death Note, tout ça, qui sont pas à montrer à des jeunes. Psychopass, pareil. Ouais. Mais en fonction des personnes, par exemple, Beastar, Death Note, en fonction de l'adolescent. Oui. Vers 14 ans, ils peuvent commencer. S'il y a la tête sur les épaules. Oui. Voilà, tu peux accompagner aussi, comme disait Thierry. Oui, il y a une classification qui est mise. Mais par exemple, Naruto, c'est plus 12. Que Naruto. Alors, je parle de Naruto Shippuden, hein, surtout. Mais Naruto Shippuden, tu n'as rien dedans qui mérite d'être plus 12. C'est pour ça. Oui, il y a les classifications. Oui, il y a ça. Mais il faut voir aussi en fonction de la personne, en fonction de chacun. Et... Mais comme on disait tout à l'heure, les classifications peuvent se demander parfois. Mais après, si vous voulez que votre enfant regarde un anime ou quelque chose comme ça, demande à des personnes qui l'ont déjà vu au moins. C'est ça. Comme ça, pour savoir s'ils disent oui, ça c'est bien pour ton fils, non, ça c'est pas bien. Ils expliquent un petit peu. Puis comme disait Thierry, bon, il faut accompagner, il faut expliquer. Voilà. Comme pour toute chose. Ouais. Ah bah oui, il faut un adulte au moins qui accompagne. La première fois que tu découvres un couteau, quand on te montre si c'est pour les oignons ou les carottes. C'est ça. D'ailleurs, j'ai Redouane qui m'a tendu une petite perche en me parlant de Zootopie. Ah, il a une petite perche. Ouais. Thierry, tu n'es pas tenable. Beastar est connu pour Mais il est jamais. Beastar est connu pour son Zootopie version adulte. D'accord. Et juste une dernière question, ça veut dire quoi Beastars? Alors, Beastars. Bête étoilée. Dedans, il y a le mot Beast et il y a le mot Stars. Donc, c'est bête et étoile. Le roi des bêtes. Le roi des bêtes. Okay. Donc, en fait, le Beastar, c'est une personne qui. C'est le roi lion. Non. C'est bête dans le sens andouille. C'est une personne qui est. qui est désigné pour se dire oui, ça c'est un bon protecteur des herbivores et des carnivores. Enfin, c'est une bonne personne pour les deux catégories en fait. C'est pas Louis. D'accord. Comme par exemple, Louis, voilà, Louis, il veut devenir Beastar. Mais, ah ouais, mais, non. Mais vous en saurez mais, plus si vous lisez le manga. Alors, voilà. Alors Stan, si c'est l'étoile à base, c'est celui qui veille sur tout le monde en fait, sur le ouais, l'ordre. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, je n'ai plus rien à ajouter pour. D'accord. Et ben mais la veilleuse. Bah... Alors. Allez, je vais dodo. Il a failli avoir un accident. Donc non. Bah on peut mettre la musique alors. Complètement, on va la mettre. On va voir. Musique. Carla de Cognac. Je fais la gueule. Bah, pas trop longtemps vu qu'on revient. Peak Avenger. La pop culture, ce podcast sur indestar.fr. Mais là c'est normal, c'est le blind test. Donc oui, ça va être voilà, la deuxième partie du blind test. Donc je rappelle les scores. Donc Redouane, Lisa, Thierry, vous avez 7 points. La team Twitch, vous avez 6 points. On en a pas 108. Non, vous êtes à 7. Non. Non, mais moi d'où j'ai compté 10, mais il a pas compté pareil. Et Daniel et Jacques, vous êtes à 5. Mais après, t'étais pas si loin à 5 près, Daniel. Ouais, j'avais juste doublé le nombre. Hein. Redouane, on compte sur toi. Non. Encore. Je vais donner ce que je peux. Vous êtes prêts? Là, c'est parti. Je vais essayer. Ah, c'est. Oui, il faut. C'est numéro 11, Daniel. Numéro 11. T'as mis des trucs à notre niveau, Kevin? Oui. Oh, ça me dit rien, celui-là. Oh là là. Pourtant, c'est connu. Ah bon? J'ai pas dit que c'était pas connu, j'ai dit que ça me disait rien. Totally Spice. Ça, c'est bon, allez hop. Ah si, ça je connais. Ah oui. Non mais de toute façon je connais pas. Le problème c'est que même si je connais, je vais pas connaître. Attends, je vais peut-être cacher le chat. Non mais j'ai lu mais je connais pas. Non mais là c'était juste 6 points, il était content de ces 6 points. Ah, ah. Ah, je croyais que c'était 6 points, tu vois. Non, non. Le titre du manga, 6 points. 6 points. Eh ben là, je crois que tout le monde est planté. Alors, c'est soit un coup de fatigue. Ah, bah ouais. T'as pas le titre ? Non, j'ai rien. Tu ne l'as pas, Jean de Manté ? Bah non, je ne connais pas, là. Il n'y a pas d'indice ? J'ai rien. J'ai rien. J'ai pas le titre non plus, j'ai rien. Si vous voulez un indice, il est dans la décoration aussi. Oh là là. Tokyo Ghoul ? Non. Non, non, non, non. Non. C'est Dragon Ball. C'est quoi? C'est Dragon Ball. Dragon non. Ball. Non. Dragon Ball, ouais. Maïero, ouais, c'est bien, bien. Non. Naruto. Non. T'as pas mis deux fois les mêmes animaux. Non. Non, parce que là, il y a l'autre, il est déjà passé. Alors, je vais pas m'en dire, il y a une partie de la réponse qui a été donnée. Ah. Ah bon? Oui. Dragon Ball, Dragon Ball Super. Oui. C'est Dragon Ball Super. Ah. Let's go. Bon. Non mais il se te compte pas le point vu le nombre d'indices que j'ai donné là. Mais j'ai dit Dragon Ball. T'es nul. Oui. Mais c'est Dragon Ball Super. Puis c'est tes pas phrases, Dragon Ball. Puis dis tes phrases. Bah, ouais. Perdu. T'es bon. C'est pas. Ouais. Donc Twitch n'avait pas dit la réponse en même temps non que plus. Toi. Ah. Tu finiras stagiaire. Donc c'est le début d'une vie stagiaire, n'est-ce pas? Ouais. Donc ouais. Oui, c'était Dragon Ball Super. Donc c'est pendant le tournoi du pouvoir. Oui. Justement, c'est. L'opening. Ouais, ben en plus un truc si précis, comment vous voilà. L'expliquez? Moi, non, je mais trouve. C'est pour expliquer où se place l'opening. Ouais, d'accord. Goku qui se fait absorber par son Genki-Dama, on apprécie. Ouais, c'est ça. Ah. Spoile pas. Bah après, je veux pas dire, mais bon, comme on dit, le spoil Dragon Ball Super, ça a combien de temps? Ouais, ça va un moment. Ça a 108 ans. C'est comme si tu dis. C'est comme si raconter ma vie, c'était la spoiler, non, quoi. Disons, c'est comme si tu dis, j'ai spoilé Naruto. Je vais mourir à la fin de ma vie. Ouais, voilà. Tu peux passer au numéro 12, Daniel. Ah, oui, déjà. Tu donneras la date. J'ai failli m'endormir, dis donc. Ouais. Et là, c'est pas facile. Ah, ouais. C'est un démarrage de voiture. C'est générique de starter. Ouais, c'était héros, ça. Dickie Larson? Non. Ah. Non, parce qu'une voiture, je me suis dit Nicky Larson. Non, mais ça aurait été. Déjà. Non. Oh, celui-là, j'ai pas entendu. C'est une histoire d'amour? Grand Turismo. Need for Speed. Fast and Furious. Non, c'est pas des mangas. Là, on délire complètement. On est oui, sur totalement. Les voitures. Bon, comment on a donné tous les dans les décors, il n'y en a plus? Non, là, il n'est pas dans le décor, celui-là, ouais. En plus. Non, pas encore. C'est pas un facile. Si on conduit trop vite, tu vas finir dans le décor. Alors? Ouais, bah. Je suis sûr que même avec un indice, on va pas trouver, tu vois. Eh, c'est vrai que t'as pas donné beaucoup d'indices. Hein. Oui, il a dit qu'il en donnerait, puis il en donnerait. Sur la voix. Bon, donne-moi la première, la deuxième, la troisième lettre. Je peux la première, si vous voulez. C'est un G. La première lettre du manga. Ghoul Tokyo. Le prochain. Ta ghoul. Twitch n'a pas la bonne réponse. Donc. Ah. Bon, ça va, il n'y a pas que le. Bon, le point G. Gargantua. Non. Non. Ah. Non. Non. Grenadine. Ouais. Gorgonzola. Non. Non, mais c'est sûr que non, en fait. T'aurais dit quoi, Jean? J'aurais dit. Non, bah non. Goulag. Non. La Mixcool, mais non, pas finir, du tout. Toi. Pas non. Du tout ça. Non. Pas penses, du tout. Tu pensais à quoi? Gambling School. Non. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas du tout dans le thème d'école, ça. Thierry, dans le nom du manga, tu as Teacher. C'est School. Ah. GTO. T'as dit school. Et alors? Ah, c'est GTO. Oui, c'est GTO. Ah, ouais. Ah bah on a fait Need for Speed, on a fait. J'allais non, le dire. On a fait GTA. Non. Là, faut qu'on prenne vu qu'il y a une tête. Bah oui, GTO. C'est. Ah bah l'animé. Il s'en veut, Norman. Il s'en veut. Oui, je m'en veux. Pas savoir. Oui, c'était très drôle à voir d'ailleurs. Parce qu'il est mauvais. Ouais. Yes. Merci. Mais donc voilà, c'était GTO. Franchement, vous le laissez répondre, il répond même pas. Travaille pour lui. Bah, tu peux lancer l'opening. Allez, je le fais. Hop. Ah, GTO. Oh, je l'ai. Oui, je l'ai. Tokyo Ghoul. Oui, non, mais Tokyo Ghoul. Il n'y a pas de jeu. Ah, bah, purée, quand je le dis pas, ça y est. Non, mais celui-là, en fait, il est connu. C'est les premières notes, toujours. Ouais, voilà. Mais bien sûr. Bah, t'as répondu trop tôt à Tokyo Ghoul, c'est pour ça. Non, mais elle a répondu, elle s'est trompée. C'est en différé, c'est en différé. La musique est en différé par rapport à ses réponses. Je suis sur Twitch aussi. Twitch, c'est juste le temps que le décalage se fasse et je pense qu'il y aura la réponse aussi. Ah, il a donné la bonne réponse? Non, là pour le moment, non, mais il y a un petit décalage sur Twitch. C'est pour ça qu'il faut le prendre en compte. Là, ouais. Par exemple, ses réponses Cowboy Bebop et Goldorak, c'était pour GTO avant. Ah, ok. Donc il a pas répondu à celle de maintenant? Non, avec le décalage. Et en fonction de la connexion de chacun, forcément, tu as un décalage qui peut être plus ou moins important. Ah, on a une démonstration là de. Alors attends. Ouais. Non, il y a un truc connu avec. Ouais, non, bah allez-y, on a mis la caméra. Ah oui, allez-y. On vous a mis la caméra. Il y a un truc qui est marrant. Bah non, c'est trop tard là, la musique elle est passée. Ah bah on va la remettre. Ça va, il y en a encore un peu. Bah ok, c'est parti. Hein. On la chante en version. Eh, vous pouvez chanter. Allez, là. Cadeau. Non, c'est pas là. Si. C'est après, attends. On peut chanter ça quand même. Non, c'est là, mes débuts, pas. Mes débuts, s'il te plaît. Mais c'est le début. Hein. Oh, si y a Théo, son nom, c'est comme il faut. Beaucoup n'ont pas de canine. Oh, elle est taïne ou non? Combien elle est à cause Ah bah, tu vois, je me suis trompé par rapport à Twitch. Yaourt TV. Bah tu vois, je me suis trompé par rapport à Twitch. Ah bon? Il n'y a pas la réponse. Ah. Il retrouve pas le nom. Mais c'est non. Tokyo Ghoul. Bah alors? Mais oui. Alors Twitch, t'es aussi minable que moi, il y a des fois. Ah. C'est pas très glorieux quand même. Bah non, là, dans ce cas-là, non. J'allais finir chez Indestar. Ah. J'aurais pu le mettre dans les openings aussi, Black Butler. Mais non, perdu. Si j'ai retenu les openings, c'est des génériques, c'est ça? C'est ça. Tu es quelqu'un. Là, tu peux passer au numéro 14. Ouais, je crois qu'il va falloir parce que là ils sont en train de complètement délirer. Hein. Allez, c'est parti. Neon Genesis Evangelion. J'allais le dire. Je répondrai pas. Je sais que c'est ça. Et je répondrai pas. Non, t'as dit quoi? Je sais que c'est Neon Genesis Evangelion. Ce qui est bien, c'est qu'il vous donne le point en plus. Ouais. Bah non, il est dans notre équipe. Bah oui. Non, mais on le disera à Jag. Bah non, bah du coup je vais pas le dire. Ouais, mais bon. Bah il l'a dit. Non, mais elle l'a dit, j'allais le dire. Oui, mais elle l'a pas dit. Bah je l'ai pas dit, voilà. C'est animé, c'est une. Non, mais de toute façon, moi j'ai l'esprit sportif, je laisse toujours gagner les autres. Ouais. Tu as un message pour toi, Daniel? Ouais. Mais oui, Daniel, je crois que tu m'as inspiré. Oh, je suis content d'avoir des j'en disciples. J'étais sûr que t'allais le mettre, je le savais. Tu me lâches en fait. Quand je parlais d'un opening mythique, celui-là, Death Note, les Naruto, en font partie. Et donc celui-là, animé aussi. Oui. Pour un peu expliquer, donc c'est dans un monde, tu vas voir des mechas, donc des robots. Et au début, on voyait les robots comme des gentils qui pouvaient que nous aider. Et bah ce manga fait changer ça. Donc dans le manga, les robots sont coupables de massacres. Ah. Donc ça a totalement changé la vision qu'on avait des robots. Là. C'est un gros résumé, ouais. Par contre. Ouais. Ouais. Tu veux passer au suivant, peut-être ? Ouais, on peut passer au suivant. On est au quoi, au 15e, c'est ça ? Ouais. Ouais, on arrive au 15e, ouais, effectivement. Ah bah, Pokémon. Oui, Pokémon. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Ah, il y a des fans là. Hein. Bah, celui-là, maintenant. La terre entière. Je vais le regarder. Ah, bah, t'es comme moi alors. Les Pokémon et leur mystère. Le secret de leur pouvoir. Pokémon, rappelez-les tous. Ensemble pour la victoire, Pokémon, rien ne nous arrêtera, notre amitié triomphera. Twitch, ils ont trouvé là. Même à notre âge, un voyage d'apprentissage, ça demande du courage. Pokémon, attrapez-les tous, attrapez-les tous. Je préfère Johto. Twitch, il a trouvé là. Oui, non, mais t'inquiète pas. J'ai peur. Honnêtement, avant même de voir les réponses, j'avais 1000 points. Ah oui. Tu t'es dit. Bah, voilà. Quand je te parlais d'Opening Mythics, ouais, c'est à celui-là que je pensais. Ouais, voilà. Et ça veut dire quelque chose, Pokémon? C'est monstre de passe. Alors, en fait, c'est Pokémon, c'est l'abréviation de Pocket Monster. C'est la contraction. C'est la contraction. Pocket Monster. Et oui, première saison, générique incontournable. Totalement d'accord. Pokémon, on passe au 16ème. On passe au 16ème. Bah ouais, 16ème, ouais, allez hop, go. Ah, c'est pas Pokémon là. Non, c'est pas du tout Pokémon. Ah. Cowboy Bebop. Non. Non, non. C'est du métal ça. On dirait Rammstein. Non, c'est pas Rammstein. On prie où est le métal. Alors, est-ce qu'il est dans le décor? C'est pas Another. Non, c'est pas ça. Non. Non. Non. Non. Ça dépend un que je connais, ça. Oh, j'ai mal pour la gorge humaine. ACDC. Non. Deux noms que tu dois connaître. Ah. Non, mais c'est vrai que ça ressemble à Rammstein. Ah oui, oui, c'est du... Ah bah là, c'est oui. Death, oui, c'est pas du Death Note. Non. Death Metal Note. Ah, je vais juste voir le nom du groupe. C'est un groupe qui est relativement connu qui l'a fait. Il est bien énervé, le garçon. Ouais. Ghost. Complètement. Ah. Il s'est calmé un peu. Ouais. Oui. Ah, il s'est calmé. Là, tu vois les courbes, là. Ils sont basses. Ah, t'aurais pu mettre celui où il y a la souris, tu sais. Comment ça s'appelle, ce manga, là, avec la souris sur la Seconde Guerre mondiale, là. Oui, oui. Ça, je l'avais vu. Là. Ouais, en attendant, je crois que tu vas pouvoir donner la réponse parce que personne l'a. Hein. Ouais. Alors, c'est Valkyrie Apocalypse. Ah, c'est juste... vrai que de nom, oui, je connais. Ça serait oui. Valkyrie, j'aurais compris, mais... Bernard et Bianca. Mais tu connais pas, pardon, ce... parler d'un truc. Ce manga, Kevin, avec la souris, tu sais, avec la Seconde Guerre mondiale, qui est vachement connue. Ah bah ça a l'air vachement connu, ouais. Ouais, tu vois, ouais, je connais, ouais. Ouais. Dit comme ça me dit rien, mais... Non, moi non plus. Ouais. Non, bah oui, on va faire une enquête alors. Hein. Ouais. Mmh. Ouais. Et donc, bah, Mickey, peut-être. Valkyrie Apocalypse, qui est pareil en hype pour un manga peu connu, vu que la saison 2 va pas tarder à sortir. J'avais aussi. J'ai complètement oublié cet animé. Pourtant, il m'est passé... D'habitude, j'ai toujours l'âge. Un animé tellement bien pourtant. Mmh. Ouais. 17? Oui, on peut. Tu resteras en maternelle. One Piece. Ah oui, bah ça y est. Bah oui, en plus, vu la tenue qu'il y a, hein. C'est ça. Fais karaoké. Ah, il veut plus, ça y est. Ah, bah. Il va nous dire que c'est le micro qui marche pas quand il chante, tu vas voir. Non. Si. Non, il met trop loin. Ah. On t'a dit qu'il faut le bouffer le micro. Oh. Ah. Là. Comme ça là. Voilà. C'est ça, faut pas que t'hésites à le bouffer. Ouais. Et donc si vous voulez savoir, Tartman, honte sur toi. Tu regardes Valkyrie Apocalypse et tu ne l'as pas trouvé. Ah, honte. Ouais. Bon, moi encore, ouais. Oui. Shame on you. Ah. Donc là, c'est quand même fort. Ouais. Ouais, bon. On va 18. Ouais. Allez, on passe au 18, parce ouais, que là. Hein. On peut passer au 18. Bon, là, de toute façon, tout le monde là. Ouais. Cowboy Bebop. Non. Arrête avec ça. My Hero Academia. Non. Non, Food War. Non. Non. Alors, les trois que vous avez nommés ne sont pas dans le blind test. Violette et Evergarden. C'est dans le décor. Non. Jean et Serge. Olivier Tom. Non. Ouais, prochaine réponse, je vous la valide. Mais tu nous mets même pas sur la voie, tu nous aides pas. Alors, c'est un manga. On peut appeler ça un Battle Royale. Oh là là. Oh. Il a. Et moi, j'ai pas. Ah, il a plus de nom. Voilà. Ouais. Non mais moi je, c'est pas que je l'ai plus, c'est que je l'ai même pas moi. Battle Royale. Il y a Battle Royale dedans en plus. Il y a le mot Battle Royale dedans. Battle of the... Battle Royale. C'est Royal. Pas Battle of the non. Quelque chose. The Royals. Non, non. Mais arrête de faire trembler le sol. Pardon, j'aurais pas, je crois que j'aurais pas. T'as perdu le titre. Ouais, j'ai perdu. Bon. J'ai perdu. Mais le penny. Et Twitch, il nous dit quoi? Kenshin le Vagabond pour Twitch, ce n'est pas ça non plus. Non. Bah tiens, je le connaissais même pas celui-là. C'est un manga avec un épéiste. Ouais. Kenshin le Vagabond. Il a les cheveux ouais. Rouges. Oui. Ah. Ça commence par un B. C'est Jade. Pista. Battle non, comme Royal. Battle. C'est non. Moi Bitoum. Alors, faut voir vu qu'il y a une... Merde, j'étais sur le bon plan. Alors, il y a une tête de dessus là. Ouais. Mmh. Oh, t'as raison, faut y remonter le moral là. Parce ouais. Que... c'est bon, ah, il est heureux. La nuit, c'est croquette. Donc, c'était Bitoum, donc, qui est un manga où on va suivre des lycéens qui vont être envoyés sur une île et le dernier survivant va pouvoir revenir. Ça va aller. Donc, le but, c'est juste de tuer ses potes. Oh, ça va aller. Ouais. Ça va aller. C'est charmant comme modèle. On t'as Assassination Classroom, faut tuer le prof. Cette prononciation. Assassination Classroom. Non, mais bah, si c'est normal. Hein. ouais. Allez, bah, 19. On fait le 19e. SAO, sort d'Art Online. Faut que tu laisses le temps aux autres de réfléchir. Oui, aussi. Dis-toi. Ouais. Non, mais il n'y a pas de bonus quand tu réponds vite. Hein. Oui, il n'y en a aucun. Là, c'est pas un blind test, genre t'es avec toute ta famille ouais. Et. Mis à part le fait de donner un point à l'adversaire. Bah c'est voilà. Le seul bénéfice que t'as. Bon, bah merci. Hein. Ah oui, je me demandais ce que tu faisais depuis tout à l'heure parce qu'il émet des colonnes de 1 partout. Alors bah je lui dis, mais. Contre les points. Non, mais tu leur donnes à l'autre quand il dit trop vite, c'est ça? Bah, de toute façon, t'as juste à écouter. Après, si ça donne trop vite, autant compter le point aussi pour l'adversaire. En fait, j'ai trouvé le truc pour marquer des points. Ouais, je dis rien. Bah et voilà. Ça, oh, et pas. Faut trouver. Non, là, c'est pas, oui, c'est pas un truc de vitesse, là. Non, et d'habitude, on compte pas les points, non, mais là, vu que c'est un plein de tests... Ouais. Ah bah oui, mais ça, oui. Et pour manger, c'est pareil, on met le plat sur la table, t'as déjà fini. Ouais. Après, on est bon dans des domaines. Je suis nul en manga, je suis bonne dans d'autres domaines. Voilà. Chacun son domaine. Oui, maintenant que tu nous as mis l'eau à la bouche, on veut savoir. Je suis une très bonne stagiaire, ça. Par exemple, plus en psychologie. Allez. On va passer au le dernier. Le numéro 20. Ouais. Ouais. Le ah, dernier, ouais. Le dernier. Ah, attends, j'ai... Ouais, attends. Oui, oui. Ah, il y a un failli. Ah, voilà. Non, parce que je voulais le faire bien, celui-là. Ah, d'accord. Ouais, voilà. Ouais, pas faire dans la foulée comme les autres. D'accord. Oh ah. Psychopasse. Non, mais... Ouais, c'est ça. Mais tu donnes le point ouais, à nous. Oui, si, c'est ça. Je suis d'accord, je c'est l'ai. Ça. Oui, mais elle a donné trop vite. Je l'ai trouvé pour une fois. Mais je l'ai trouvé ah bon, pour une mais fois. J'ai pas entendu qu'il l'avait dit avant moi. Et j'ai dit un nom au moins. Tu nous as pas donné les règles du jeu. J'ai une bonne réponse. Hein. J'avoue. Voilà. J'avoue. J'ai donné une bonne réponse pour une fois. Non, je dis j'avoue, mais pas pour parce que sinon, non, mais... on aurait pris peut-être plus de temps, tu vois. On aurait mis la main devant la bouche de l'étoile. Après, de base aussi, si on va par là, dans les règles du jeu, il n'y a pas d'indice sur les blind tests. J'adore, c'est oui, mais vu que c'était vachement dur quand même. Ouais, il y en a quand même. Non. Tu m'avais dit que les plus durs, tu donnerais des indices, hein. Oui. Mais oui, parce que j'avais décidé d'être gentil pour certains. Ah. Ouais, ben bah, là, t'as pas donné grand chose, hein. Ah. Ah, si bon, donner non, quelque je, chose, on le saurait. Je connais rien, donc indice voilà. Ou pas, mais. Alors, Tartman, tu mériterais presque que je te compte pas le psychopathe, vu comment il est écrit. Ah bon? Non, mais à cette heure-ci, hein, il ouais. Demandait d'écrire. Il a écrit comment? Il s'est trompé, il a mis un E. Psychopathe. Non. Psychopathe. P-S-Y-C-O. C-A-T-H. Ah, et non, psychopathe. Psycho, c'est C-H-O et passe T-A-2-S. Voilà. C'est pas grave, on t'en veut, mais tranquille, c'est pas grave. Non, c'est... T'inquiète pas, tu as le point. C'est l'oral qui compte, t'inquiète pas. En tout cas, éteindre l'écran, ça va résoudre le problème. J'adore celui-là. Voilà. C'est mon opening préféré. Du coup, c'était le dernier, non ? Oui. Oui, c'est le dernier. Bon. Non, t'as vu, je finis avec une bonne réponse. T'as vu, ouais. Daniel ? Franchement, je te félicite. T'as fait mieux que moi, tu finis avec une bonne réponse. Non, merci. Il n'y a pas de troisième. Il y a deuxième et premier. Ah ? Il y a deux, il y a une égalité entre Twitch et Daniel et Jade. Ah. Vous avez tous les deux 10 points. Ouais. Ah. Oh, on a la moyenne. T'as vu ? Merci Jade. J'ai la moyenne grâce à toi. Merci. Et donc Redouane, Kiri et Lisa, vous avez 13 points. On a eu. Il est très fort. Quoique si, j'ai participé, hein, parce qu'il y a une réponse, je ne l'aurais pas donnée, on n'aurait pas eu la moyenne. T'as dit, avec les mystérieuses cités d'or. Si, t'as trouvé les mystérieuses cités d'or. Je rejouerai, hein, parce qu'avec aussi peu de bonnes réponses. Et... Bien bon aussi, allez, on les offre. T'as vu, c'est mieux qu'à l'école. Je reviendrai, C'est ma portée chance. Ouais, c'est le chapeau. Non, alors, mais tu vois, moi, quand je t'ai vu la première fois, je suis dit, ouais, bof. Et puis, en fait, non, tu joues bien, c'est bien. Juste pour la bande dessinée, j'ai cherché, que je recherchais justement, c'est Moss. Vous savez, sur la, avec des petites souris pour la Seconde Guerre mondiale, qui est très connue, qui a eu un prix Pulitzer. C'est tellement connu que t'as que des gens autour de toi. Ouais, c'est ça. Eh bien, en tout cas, elle est très connue. Comme faut demander à Twitch. Ouais. Si Twitch. Alors, Maus, M-A-U-S. Voilà, ben oui. Et il y a aussi des animaux pour représenter des êtres humains. D'accord. Voilà. C'est Maus ou Maus ? Je crois qu'on dit Moss. Ah d'accord. Mais je suis pas sûr. Non, je l'ai eu. Je suis disant ça dépend quelle origine. Ouais. Maos. Après, comme dit Tartman, d'accord, on a 10 points, c'est pas mal. Bah au moins, vous avez la moyenne. Ouais. Ils ont la moyenne. Alors nous, on est dans l'équipe de Redouane, mais on n'a pas donné beaucoup. Ouais, voilà. Non, mais c'est l'avantage du travail de groupe. Ouais, bah ouais. Bah, je vois. Je donne deux ou trois fois Tokyo Ghoul. Ouais, c'est la quatrième. C'est ça. Non mais. Non, mais il a voulu te contrarier, là. Ouais. Ça sent un sketch des inconnus, ça. Ouais, ça sent aussi. Tokyo Ghoul. Non, Tokyo Ghoul. Non. Ah. Bon, bah, autre chose. Ah, c'est Tokyo Ghoul. C'est ça. Donc, nous, j'aimerais bien proposer quelque chose. Oui. J'aimerais bien qu'on dise au revoir à tout le monde sur un opening. Ah. Alors. Ça va être compliqué, mais ouais. Ouais, ça va être dur. Mais après, bon, ce qu'on peut faire, on peut déjà annoncer ce qu'il y a la semaine prochaine. Déjà, pour oui. nous, notre émission impossible. Oui. Elle va être totalement impossible. Impossible à faire. Ouais, c'est ça, vu que ça va être impossible. En gros, il ne va pas falloir la rater, celle-là. Oui, et franchement, c'est un peu notre cadeau de Noël, quand même, qu'on vous fait. Oui, c'est ça, c'est notre petit cadeau. Oui, voilà. Déjà, nous, on ne sait même pas à quoi on s'attend avec les autres. Je retiens. Alors, voilà. Ce qui est bien, Daniel, c'est que j'ai mis la cam sur toi, vu que tu es en train de parler. Je me suis dit, il va nous dire un truc de bien. Oui, Non, mais voilà. Même nous, on ne sait même pas ce que les autres vont nous préparer. Un chef-d'œuvre. Voilà. Ouais. On sait juste que ça va être impossible. Ça va être le bordel. Ouais, complètement. Et un bordel. Ouais, qu'on on va mettre le bordel. C'est le souk.